Salut les loups, c'est Nikos Aliagas. On Non. Skyrock. Non, Non, non, non, NRJ, non, non. la radio la moins écoutée de France. Je Même vais. Grenouille Radio a plus d'audience. Même Gazelle. Gazelle, c'est vraiment une radio. Salut, c'est Darius. Alors, tu voulais dire un truc, mais non. Voilà, je suis un sauvage, je t'ai coupé, je t'ai pris, je t'ai cassé net. Hein? Et aujourd'hui, on va pas vous parler de l'émission tout de suite, on va vous direct vous parler de ce qu'on fait maintenant. Donc ceux qui ont écouté l'émission de la semaine dernière, nous allons rappeler le mythique plateau de fruits de mer. C'est le plateau de fruits de mer. Le plateau de fruits de mer. Ensuite, on appellera Can Sextor avec leur fameux les jouets. On a tout. Les gars, des vibromasseurs. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les appeler et on va se prétendre être à la recherche d'un nouveau sextoy, à savoir le super anal de feu bleu Bleu. avec des flammes dessus. Voilà. Donc là, notre ami Logan est en train de chercher le numéro de coquillage chez Riri qu'il a. Ensuite, Cusco est parti répondre à un télé. Cusco est parti répondre à un coup de téléphone urgent et il va revenir avec nous dans quelques secondes. Mais aussi, aujourd'hui, nous allons nous écouter de la salle music. De la salle music. À savoir Katy Perry et Timbaland. If we ever meet again. Ensuite, on aura un petit morceau à passer en dédicace À à la la cousine cousine de de Cusco. Cusco, à ma cousine, wesh wesh, Amandine. Wesh, Et à son copain, Amandine. et à son copain. Ah, Wesh, Amandine, wesh, si tu nous écoutes, wesh, wesh. Wesh, wesh, ma couille. wesh. Wesh, ma couille d'Amandine et son meilleur copain, Rome. Romain. Comme c'était écrit. Donc en ce moment, soit est en train de composer le numéro, bien sûr, tu n'oublies pas, De dièse, chérie. 31 dièse. Allez, Logan, allez, Allez, petit Logan, effort. mets-nous ça. Et Allez, ensuite, Logan, on va se faire au allez. Can Sextor. Alors, Cusco, on va t'expliquer parce que tu n'étais pas là. Donc, on va Si, appeler moi Can j'étais là. Sextor. Oui, mais pas. Tu allais répondre au Ah téléphone. Can ouais. Sextor, et on va leur prétendre que nous sommes à la recherche d'un On nouveau peut appeler jouet. quand on veut, là, c'est Et nous bon. sommes à la. Nous allons prétendre que nous sommes à la recherche d'un nouveau jouet, à savoir le super anal de feu bleu avec des flammes dessus. Et, mais non, non, tu sais ce qu'on va faire? On va aller voir sur internet le nouveau sextoy révolutionnaire. On va leur demander s'ils ont ça. On ira. Allez, on ira voir ça tout à l'heure, mais tout d'abord, coquillage de chérie. Appel, appel, appel. Vous n'avez pas remarqué, mais on est des fous de la live parce qu'on commence par la fin en fait. Allez, sans nom, bitch. Il va répondre. Allez, Riri, Un allez! peu qui va répondre. Ils vont rigoler comme des bâtards. Mais non, je te couvre. Oh non, attends, réponds, bâtard. Oh non, il est fermé le vendredi! Non, non, attends, s'il fait ça, c'est un con. On va voir le site internet. Oh, ça l'empêche. Oh, tu as pas le mettre avant, ça l'empêche. Sans déconner, Putain, il faudrait pas que Can Sextor me mette avant aussi, hein. Can Sextor. Non, c'est Sextor, non? Non, non. Et je pense que c'est mort pour chérir, on réussira plus tard parce qu'on est entre midi et deux à savoir là. Ah ouais, c'est peut-être fermé. Oh Oh c'est putain. fermé entre midi. Allez, on réussira tout à l'heure, restez avec nous, ne ratez pas ça. Logan est en train de nous chercher son numéro de Can Sextor, un magazine qui nous a sorti le mythique, maintenant qui restera dans les annales mémorieux. Il y a un S à Cannes. À savoir, des jouets, on a tout. Voilà Et tout, voilà. voilà Alors vaginal, là, écoutez-moi, écoutez-moi. clitoris, Si jamais vous orthogonal. n'avez pas écouté la première émission, dès que vous avez fini d'écouter celle-là, vous fermez cette page. Première émission, article, link, hop, tu cliques Hop là, et t'écoutes. ça y Laisse est, l'imagination t'entrer. on a 4 sextors Nous avons à 4 là, sextors. c'est génial, c'est Oh putain, je me génial. rappelle de la photo et tout. Moi Oh là aussi, là, c'est oh magnifique. que c'est beau. J'espère que c'est le même vendeur. Putain, ouais. Ah bah on a tout, Il est Et génial ce ensuite, mec. cet après-midi, nous partirons à la recherche de numéros de clubs échangistes. Ouais. Voilà, donc Pour tous les petits coquins et coquines qui nous nous sommes écoutent. toujours portés sur le cul, voilà, on est comme ça. On est des hommes, quoi. Hein, c'est tout. Juste assez. Porter. Après, peut-être qu'on appellera des magasins chinois, comme on l'avait prétendu la semaine dernière. Ouais, Mais mais bon, dans ça ce promet cas-là, d'être une émission mythique de la night. dans ce cas-là, faudrait qu'il y ait des vrais Chinois qui répondent. Allô, Ah, bonjour. c'est pas un vrai chinois, je dis passez-moi un vrai chinois, c'est pas un resto chinois. C'est pas un vrai resto chinois ici. Ah, ça appelle, ça Ça appelle. appelle, mais est-ce qu'il va répondre? Vous êtes des bâtards, vous allez vous mettre des coussins, Ah, vous Logan, allez. il a pété. Bonjour, est-ce que vous auriez des nouveaux sextoys Allô? Allô? Son nom, bitch, Oh le il m'a répondu, bâtard! mais Oh l'enculé! je me demande s'il m'entendait en fait. Non, non, mais là, non, non, là c'était pas trop réaliste, Attends, celui que vous il avez de teste nouveau with sextoy. my. Allez, cherche-en. Non, non, cherche-en d'autres. Non, non, non. Non, oh, oh, non, non, on peut non. partir. C'était pas le même vendeur. Mais voilà. Et non, je suis dégoûté. Putain. Ça se trouve, il est au chômage maintenant. Ça se parce trouve, que il a son été patron, il a viré. Entendu dire les jouets, on a tout. Ah putain. Si ça, on va faire une minute de silence pour le. Non, je déconne. Allez, cherche-nous des nouveaux sextoys. Il est même pas mort. Ça se trouve, il est même pas mort. Ça se trouve, son ça se trouve qu'il nous écoute. Ouais. Voilà, alors Olivier, on va l'appeler Olivier. Appelons Olivier. Olivier. Club échangiste, je cherche où? Je sais pas, mais dans toute la France. Marseille? Non, mais pas d'adresse pour l'instant. Je crois pas qu'il y ait un club échangiste à Marseille. Si, si, si, non. Si. Il y en a un à la Blancarde. Tu as été, tu t'es rendu. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'était génial. Il avait sa cagoule sur la tête, il a dit bonjour. D'ailleurs, on m'a repéré parce que j'avais tout le temps le barreau et j'avais gardé mes chaussures. Voilà, il a fait. Allô, bonjour, excusez-moi. Est-ce que discothèque. Vous avez qui sur... Non, non. Club de rencontre. Ouais, club de rencontre. Non, club de rencontre. Et non, ben non, club de rencontre, c'est pas marrant, c'est pas un club échangiste. Agir pour le bonheur. Va voir sur Paris, club échangiste, c'est ça. Agir pour le bonheur, loisir. Ouais, mais c'est genre les trucs mythiques, mais les vrais, tu sais, c'est le machin avec le gong là, toutes les minutes, il fait dans un. Vous connaissez ces machins. Une nouvelle rencontre. Putain, ça fait de la peine, j'espère que jamais de ma vie je devrais aller là-bas. Ah si, moi oui. Ah ouais? Ah ouais, carrément. Mais il arrive, il dit bonjour, je m'appelle Jean-Michel. Non, mais discothèque, bonjour. Tu vas quand t'es tout seul. Pareil. Tu vas quand t'es célibataire. Club échangiste, ils ont pas de numéro de téléphone. Non, club échangiste ou club de rencontre. Là, on parlait de club échangiste, Arthur. Ouais. Cusco. Ouais, ouais. Tu ne quittes pas là, tu restes un peu. Discothèque et dancing, frère. Oh putain, bah alors qu'est-ce qu'il y a? Bah continue à chercher sextoy. Les sextoy. On va appeler un sextoy, allez. Alors quel effet ça fait d'être gold, Miché? Je sais pas, ça dépend sur quel qui tu dors. En fait. D'être ça dépend pas sur qui tu dors. Fais ça, tu fais. Alors quel fait ça fait de rencontrer ben non, on appelle un sexothérapeute. Ou un sexologue. Un sexologue. Un sexologue au téléphone, ça serait excellent. Ça serait excellent. Non, non, un sexologue au téléphone, ça serait excellent. Sexologue, un truc du style. Voilà, j'ai sexologue. J'ai des rougeurs sur le pénis. Dans ce cas-là, ce sera 34 centimes la minute. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Putain. Centre de thérapie. C'est dégueulasse. Pluridisciplinaire. Putain, ouais, y a pas des massages. De santé sexuelle. Des massages pénitiales ou des machins comme ça? Ouais, non, sinon on dit qu'on va s'épiler au laser les testicules. Ah. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Louange à la parole. Putain, non, c'est horrible. Je trouvais un numéro. Ah, tu as trouvé quoi? Ah. Centre médical de santé sexuelle. Centre médical de santé sexuelle. Ils ont un numéro de téléphone. Donc c'est pour prendre rendez-vous, oh, numéro de téléphone. Sinon, tu sais ce que j'ai vu il y a pas très longtemps? Mais j'appelle quoi alors? Salle d'éducation corporelle. Tu ça sais ce que c'est? Quoi? C'est de la gym. Ben voilà, ça m'a. Non, je croyais que c'était des trucs avec les vieux là. Bah ils ouais, disent, moi aussi. La levrette. Ouais. Et les vieux font. Ah hey, c'est génial, ouais, c'est nouveau. Oh putain, je reviens la semaine prochaine. Trop bon. Et oui. Putain, ça serait bien si non, on pouvait c'est... tomber. Sex shop, sex store, tu vas pas me faire chier, d'accord? Sex store, c'est le nom d'un magasin. Mais non, sex store. Cabinet Jean-Marc Lustig. Nice, vas-y. Ouais. Psychologue, sexologie. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, mais ils font pas par téléphone, c'est oh, genre. Génial. Article et librairie érotique. Voilà, très bien ça. Non, on prend les deux, prends les deux. Est-ce que vous avez. Est-ce que vous avez reçu. Tu la sens! Édition, plaisir. Les talons noirs. Ça existe ce livre? Ouais, ouais. Ah, ça on sent le truc qui est passé chez toi. Ouais, ouais. Projection déjà, X. J'aime beaucoup l'affiche. Souvenir sexy, 40 place Clichy, 700. Place Clichy? Ouais, boulevard Clichy. Putain, Clichy, c'est un joueur de foot aussi. D'accord. C'est important de dire ça, ça t'a plu? Ouais. Voilà. Héros, si tu pouvais arrêter de jouer avec le portable, ça serait un peu moins chiant. Parce que là, c'est chiant, là. Hein. Quelle heure est-il? Est-ce qu'on doit déjà se passer une musique? Est-ce que déjà, nous devons nous passer une musique? Non. Non. Pas encore le temps, mais nous cherchons un numéro. GPS création. Importation européenne marchande. Là, ça part n'importe quoi. Là. On cherche un truc de cul, il me sort les GTS Love Shop. Love Shop. Bon, alors on va se prendre le premier alors. Édition Concorde. Tu te rappelles de Édition Concorde? Je me rappelle. Tu te rappelles de Édition Concorde? Ouais. Vouloir Magenta. C'est pas lui qui nous a menacé? Non, non, lui c'est celui de Marseille qui nous a menacé. Putain, qu'il avait une. Putain. Love il rigolé Shop. Ouais, c'est. Ben rigolons. Et voilà, et ça c'est encore une référence à la première émission, si vous n'avez pas écouté, on t'avoue, allez pourrir en enfer. Sauf si vous allez écouter entre temps. D'enfant, de salaud, son of a bitch. You stupid motherfucker. Allez, on s'appelle un truc poupée gonflable, le ventre de poupée gonflable. Poupée gonflable. Allez, article humoristique et sexy. Ça. Dans la description, DVD, cadeau. Des souvenirs sexy. Cabine vidéo. Activité, Article et librairie érotique. C'est parfait. Je vous lis la description. La description. Allez, la description. C'était un peu compliqué ça, non ? Jouets pour adultes, sextoy, grand choix de DVD, cadeaux, coquins, cabine vidéo, lingerie, librairie, poupée gonflable. Ils vendent pas des. Hey, ils vendent des sextoys, parfait. Nickel. Article humoristique. Poupée gonflable. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir qu'est-ce que vous aviez comme jouet exactement. J'entends rien du tout, hein. Je voulais savoir qu'est-ce que vous aviez comme jouet exactement. Beaucoup de choses, mais je peux. Bon, il y a tellement de choses, je vais pas vous énumérer tout ce qu'on a au téléphone. Non, mais vous dire les nou... me dire les nouveautés. Il y a beaucoup de choses, monsieur. Je peux pas. Il y a énormément de choses. Vous avez le niveau God Super Anal. Ta gueule. Si c'est pour rigoler, ta gueule, d'accord. Merci. Oh, mais il faut nous les énumérer, les non, trucs. Non, mais oui, il est trop c'est fort. Beaucoup de choses. Ben, non, vous pourriez au moins me dire les nouveautés, quand même. Qui tiennent tout. Putain, mais en fait, pourquoi tu es venu parler, ouais, putain ouais. Fallait pas. Pourquoi tu disais rien, toi. Je disais rien, je réfléchissais, j'étais en train de parler, putain, Charlie, t'as dit, vous avez un nouveau. On est têté, il m'a poussé et tout, il avait. Vous avez un nouveau, ça, je t'en parle, là. J'y venais petit à petit. Je faisais une petite glissade. Je commençais par le chocolat pour finir sur le lit de caramel. Pour finir sur le lit de caramel. Donc, alors, Cusco va nous parler un peu de ces petits articles. De ce petit plat. Alors, ah oui, alors oui, je vais vous parler surtout si vous allez à McDonald's, premièrement, montrez votre carnet de correspondance chez les jeunes. Et oui, les amis. Parce que comme ça, vous aurez une réduction géniale. C'est quoi, c'est les bons plans Cusco là ? Ouais, voilà, on a qu'à dire ça. Montrez vos carnets. Oh, il y en a deux. Il y en a deux, je crois. On a appelé quoi là ? Souvenir sexy, on a appelé. Et il y en a deux. Ouais. Parce alors, que le mec, c'est bien enrichi. Alors voilà, mais par contre, n'achetez surtout pas la mousse au chocolat sur son lit de caramel. Et oui, j'ai fait l'erreur de l'acheter. Malheureusement, je n'ai pas dormi la nuit. Tu as mangé combien de quantité de ça ? Eh ben, j'en ai mangé pas beaucoup. C'est vrai ? Ouais, c'était tellement dégueulasse. Bon, allez, les amis. J'étais quand même à fond, moi. J'espère que c'est pas le même mec. Allô ? Oui, bonjour. Allô ? Allô ? Allô ? On voulait appeler un restaurant chinois et indirectement on est tombé sur un vrai chinois. Je rappelle. Allô, allô. Là, je peux rappeler là. Hein. Il va croire qu'on a coupé ou quelque chose comme ça. Hein. Oh ouais, rappelle. Mais rappelle, mais c'est pas moi qui parle. On va tester Cusco, mesdames et messieurs. Ouais. Nous allons tester Cusco. Ouais, donc voilà ton but. Tester, tu dois lui faire. Il doit te dire s'il a le super anal sex toy. Mais et... non, mais non, on s'en fout. Ah si, si, si, si, si, si. Il faut que tu dises. Vous avez le super anal bleu avec des flammes dessus. Dis ça. Attends, tout prix, bon. Il est où ton journal d'appel? Oh, mais t'es chiant. Il va plus vite. Ah ouais, bro. Il va plus vite dans la chapole, dans la pachole. dans la chapole. Moi, je m'en la pachole. Non, tu dis, c'est un ami qui m'en a parlé et je voulais savoir ce que ça valait. Ouais. Alors, j'ai déjà le premier tome. J'ai déjà le premier super anal. Ta gueule. Je dirais qu'il m'a rigolé. Oui, bonjour, monsieur. C'était pour savoir, alors avec ma copine, on cherche un sextoy sur Paris. Est-ce que vous vendez des jouets, vous vendez simplement des livres érotiques? Bah, on fait des gods, des vibros, etc. Voilà. Ah, ok. Ah lui, il en perd définitivement, c'est la semaine dernière. Le gros vieux. Le gros. T'as géré parce que t'as pas rigolé tout de suite. Des gants, des vibros, etc. On a des gants, des vibros, etc. Putain, ah, j'aurais dû le garder. Sans ouais, tu aurais dû le garder, mais c'est moi qui ai mais sur le coup, j'ai trop rigolé en fait. Parce que je m'attendais pas à avoir un latino quoi. C'est pas ce que c'était, c'est pas une nationalité, c'est pas possible. On a un gants, des vibros, ma soeur. De la vibro, ma forte. De la sodomisation. De la sodomisation et des mi. Et ben là, ouais. C'est direct en début d'émission et ça, c'est un avant-goût, vous voyez. Ouais. La maison du X, j'ai trouvé. On commence par le lit de caramel pour finir sur le chocolat. Exactement. Et là. Et là, petite musique. Petite musique. Et oui. Katy Perry, Timbaland, If We Ever Meet Again. Et après, on se retrouve avec d'autres sextors. Ouais. Beaucoup mieux. D'autres nationalités. D'autres pays. Peut-être on a des gants, des vibros, tout est imaginable, tout compatible. Hein. Et ah puis ouais. Après, on essaiera, on réessaiera Cookie à Chérie, voilà. On se fait plaisir, ça nous fait du bien. Et on se retrouve juste après Timbaland, Katy Perry, If We Ever Meet Again. À tout à l'heure, restez avec nous, gardez la foi, continuez à prier tous les soirs. Et continuez à prier pour qu'on fasse une troisième émission, parce que vous avez prié tous les soirs pour qu'on fasse une deuxième émission. Et maintenant qu'on en a fait une, continuez à prier pour une troisième émission. Moi je reprends mon souffle, on se retrouve après Timbaland, Katy Perry. N'oubliez pas de lâcher des commentaires sur le blog. If We Ever Meet Again. Say, did you come alone, or did you bring all your friends? Say, what's your name, what you drinking? I think I know what you thinking. Baby, what's your sign? Tell me yours, I tell you mine. Say, what's somebody like you doing in a place like this? Le Clash Vendetta Charvet qui a sévi la célébrité. Alors peut-être vous entendrez pas, si vous l'entendez c'est que j'aurais travaillé la nuit. Mais tu parles mal à les femmes. Et tu prends des choses d'une femme qui a 61, t'as pas honte. Les images parlent. T'es un petit con. Merci. C'est tout ce que tu es. C'est gentil. Et le public, il va le savoir. Tout quelle merde. C'est gentil. Et n'aie pas peur. Merci. On va être sûr que le public va tout savoir. Ok, je te remercie. Et tu vas voir qu'est-ce qui va se passer avec mais toi. Mais qu'est-ce qu'il veut. Je vais rigoler. Et je vais rigoler. C'est fini, alors t'as mal loin. Tu dis une chose, tu parles encore une autre fois à une femme comme ça. Tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai rien dit. T'as compris? Ouais. Tu parles à une autre femme écoute, comme ça, et je te promets mentir. Non, toi, t'es un grand loser, t'es une petite merde, t'as rien fait dans ta vie. T'as compris? Et toi, t'es un jaloux. Ouais, jaloux de quoi? C'est très bien. T'es rien du tout, t'es une petite merde. Ouais, c'est tout ce que tu es. Je te remercie. T'as rien fait dans ta vie. C'est gentil. T'as compris? Merci. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Est-ce que t'as bien compris? Ça y est, oui. Les garçons. Ouais. Allez. Et ça. Attention. Mais non, mais c'est pas ça. Mais là. Et elle m'a retiré le plat alors que je vais la faire. Écoute-moi, arrête tes conneries. Tu prends pas un plat. Qu'on a les t'as compris ou pas? Non. C'est pas pour le moi, je peux te dire une autre chose. David, hein? Ça sert à rien de t'embrouiller, mais qu'est-ce que ça? Moi, je m'embrouille. Si tu es une autre femme, je vais pas te toucher. Je vais pas touché. Alors arrête! Parce que si tu l'avais pas fait, on serait pas là. J'ai pas touché, j'ai pas maltraité. Non, c'est pas, je commence, c'est la vérité. C'est un fait. Non, mais tu veux commencer, y'a pas d'histoire. Non, mais tu veux commencer? Je commence rien, je dis la vérité. Tu veux commencer? C'est ce que je dis là. Tu veux commencer? Attention, attention. C'est très bien, David. Combien de fois? Tu m'en balais de ce que tu penses. Tu veux commencer? Oui. J'ai pas commencé, j'ai la vérité. Pas de problème. Pas de problème. Mais y'a pas de problème. Pas de problème. Combien de fois David Charvet a dit tu veux commencer quand même? Aujourd'hui, tu l'as fait. Oui, c'est ce que tu as fait. Voilà. Et je te le dis droit dans les yeux. Ah ouais? Merci, Greg. Non, y'a pas de merci parce que j'apprécie pas que tu le. Mais j'ai des arguments. Oh non, c'est de la merde. On n'a pas eu. Et moi j'ai compris. Mais arrête de me dire chute quand je le commentais, t'es chiant. Non, toi t'es un grand loser, t'es une petite merde. Ils l'ont sauté. Est-ce que t'as bien compris? Ça y est, les garçons. Voilà, on l'a raté. Oh putain, bon allez, on va essayer de se le trouver. Big Clash dans l'état de Charlie. Il me faut, moi, les. T'as compris? Mais moi, j'ai compris. Ouais. Et toi, est-ce que tu as compris? Et toi, t'as compris? Comment j'ai compris? Mais va dans le résultat pour les vidéos. Et toi, t'as compris? Moi, j'ai compris. Va dans le résultat. Il n'y a pas de résultat pour les vidéos. Je crois que nous l'avons, je crois que nous la tenons entre les fessiers. Oui. Ah oui, les excuses, oui. Ah non, ça c'est des excuses. C'est pas ça, c'est des excuses. Alors. Oh putain. Arrête de me dire chute quand je veux parler. Oh. Mais ça va, fais résultat pour vidéo. Ta-ta-da! Sur TF1.fr. Ils vont se taper dessus, ça serait marrant quand même. Ouais. Ce serait bien rigolo, moi je rigolerais bien s'il se sera cassé la gueule. Ils vont s'en mais surtout que là, vous avez Michael Vendetta, il a assuré là. Non, il n'y a pas de problème, il fallait coucher là-bas. Je vais être sûr, il n'y a pas un problème. Non. Attends, ça bug un peu, on va les laisser charger. Alors, en attendant, on va faire un sextoy, voilà. Partons dans le sextoy, et ça sera peut-être les derniers. Le numéro déjà tout composé, je suis à faire le bouton vert, c'est parti. C'est qui là qu'on appelle? Un rétro-parleur. C'est qui là qu'on appelle? La maison de GX. Ok. Vous êtes sur la messagerie France Télécom du 0. Pourquoi ils ont une messagerie? Pourquoi ils ont une messagerie France Télécom? Je comprends pas trop là. C'est bizarre. C'est très bizarre. Allez, puis après on se fera un petit saut du côté du site dont je vous ai peut-être pas parlé tout à l'heure, ou alors j'en ai parlé, je sais plus. Monpirecoup.fr, c'est un site style vie de merde qui raconte les pires coups des gens. Voilà. Ah ouais, t'en as parlé, ouais. J'en ai parlé? Ouais, un peu. Bah c'est pas grave. Allez, lance-moi cette vidéo de chiottes. Grand frère, tout va bien. Grand frère. On se fera un feu de l'amour. Les yeux. Mais plus fort. T'as compris? Et toi, t'as compris? Non, mais est-ce que toi, t'as bien compris? Et toi, t'as compris? Ouais. Moi, j'ai très bien compris. Blanc. Et tu parles mal à les femmes. Tu parles mal à les femmes. Et tu prends des choses d'une femme. Ça, on l'a entendu. Ça. Tu parles mal à les femmes. Et tu as compris? Parce que moi, j'ai très bien compris. Tu parles pas. Tu parles pas. Putain, mais moi, quand ils l'ont passé, j'avais l'impression que c'était plus long. Quand ils l'ont passé à la radio? Ouais. Ils l'ont repassé en boucle aussi. En boucle. Ah, mais quand même, c'est impressionnant. T'as compris? Hein. Ouais, moi j'ai très bien compris. Et toi, est-ce que tu as compris? Ouais, moi j'ai compris. Ouais, mais moi toi, j'ai compris. Mais toi, toi est-ce que tu as compris? T'as compris? Écoute, moi j'ai compris. Toi, t'as compris. Et après, ça part dans les. Mais moi j'ai compris que toi, t'as compris. Mais toi, est-ce que t'as compris que moi j'ai compris? Le plus important, c'est que toi, tu as compris ce que j'ai dit. Est-ce que toi, t'as compris ce que moi j'ai compris? Non, j'ai pas compris. Et toi, t'as compris quoi? Mais moi j'ai compris que t'avais compris. Et après, il y a une petite grosse qui arrive et qui fait stop, stop. Il dit, moi j'ai compris que toi t'as compris, que moi j'avais compris que t'avais compris. Mais toi, t'as compris que moi j'ai compris que t'avais compris, que j'avais compris que t'avais compris. Le fait le mec il est en sueur et tout. J'ai compris. Il fait ça. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ouais, c'est bon. Alors, on va faire un petit tour du côté du pire coup. En première place, on a un, le mec qui s'appelle Montreuil. Alors, je vous lis avec l'intonation et tout. Moi, mon pire coup, c'était avec ma copine actuelle. On était chez moi. Nous venions faire l'amour pour la première fois ensemble. Et nous sommes donc montés dans ma chambre. On commence notre petite affaire et tout va bien. Lorsque d'un coup, la porte s'ouvre, ma mère entre et me dit « J'espère que t'as pas oublié de protéger ton petit zizi. » Et elle s'en va. Grand moment de solitude. Amen. C'est vrai que tu dois te sentir seul quand même. Hein. T'imagines, et la copine, elle est encore là. Et sa mère, elle vient et dit « J'espère que t'as pas oublié de protéger ton petit zizi. » Hey, ton petit zizi. Ton petit zizi. Allez, je vais y aller, titi de ta copine. Hey, ah, ça va? Salut, ça va? Ah, ben, faudra qu'il me la présente. Hein. Elle... Oh, tu avais pas vu, t'as un tout petit zizi. Il n'y a pas changé, hein. Je me rappelle encore quand je te mettais du talc et tout, comment on peut dire ça. Quand c'est dans la gousse, là. Et un petit zizi, t'es petit comme ça, hein. Tout petit. Bon, allez, éclatez-vous bien, les jeunes. Bah, attends, sinon, ce qu'elle aurait pu faire encore de plus horrible, bouge pas, je ramène la caméra. Alors, ensuite, il y a le pire coup de Warrior. Moi, mon pire coup, c'est quand mon chéri m'a juste dit avant l'amour, bon, on a 5 minutes, après, j'ai un match de Call of avec mes potes. Rien de mieux pour se mettre dans l'ambiance. Quel bâtard quand même. Quel bâtard. Ouais, moi je prends ça à bras le corps. Putain, à bras levé. Ça dépend la partie de Call of. Si c'est une bonne partie. Ça dépend la copine aussi. Ça dépend la copine. Ouais, c'est vrai. Ça dépend des deux. Valérie Damido. Ah putain, écoutez celui-là. Mon pire coup, c'est quand une fille m'a crié en plein ébat. Tape-moi dans le fond, bordel, je suis pas ta mère. Je vous assure, ça fait bizarre sur le moment. Putain. T'imagines, elle dit, allez, vas-y, nique-moi comme tu niquerais ta mère. Quoi? Comment? Mon Dieu. Mais ma mère, je nique pas. Ah, voilà. Mon pire coup, c'est à chaque fois que nous faisions l'amour avec ma copine, avant de commencer, elle retournait ses 27 peluches pour pas qu'elle nous regarde. Oh, putain. Oh là là. Mon Dieu. Oh là là, moi, je lui mets une claque. Putain, ça dépend où tu mets la claque. Ouais. La claque. Elle m'a fait ça. De la banana. De la... Tiens, parlant de claque. Ah, putain. Mon ex a tenté la gorge profonde, elle a eu un réflexe de régurgitation et m'a vomi dessus. Ta-ta-da-da. Fin de la gâterie. Ah voilà, écoute celui-là. Moi mon pire coup c'est quand on était avec mon ex, on était vraiment chaud, je finis par la prendre en levrette. Juste en face, son père nous regardait par la fenêtre en faisant des mouvements bizarres dans sa poche. J'ai du mal à regarder en face après ça. Vous arrêtez pas les jeunes. Oh, c'est trop beau. Là il se segue. Oh putain ma fille. Oh putain ma fille elle est bonne hein. Oh si c'était pas ma fille. Oh c'est dégueulasse. Putain t'imagines tu fais ça avec le père. Oh. Le père il devait Le père il se segue sur sa fille ça veut dire. Non il se segue sur le mec. Oh putain ma fille. En l'occurrence s'il a pris en levrette. C'est que... Ah. Alors là, les amis. Alors. On va rechercher... Sans m'empêche. Dis-moi, Logan, tu cherches un sex-shop? Non, cherche-moi un magasin chinois. Un magasin chinois. J'espère que c'est pas un vrai chinois. J'ai dit, ah pardon, je croyais que c'était un magasin chinois. Si jamais c'est pas un vrai chinois qui répond, je dis, ah pardon, je croyais que c'était un magasin chinois. Il dit... C'est un magasin chinois. Non, vous n'avez pas l'accent. Je suis désolé, je suis sûr. J'ai fait manger chinois, je vais rentrer dans les festivités. Et après, tu fais si je vous appelle en vidéo, je suis sûr que vous n'avez pas les yeux bridés. Alors, arrêtez de faire celui qui est chinois, hein, parce que c'est pas vrai. Un chinois, déjà, il m'aurait répondu bonjour. C'est horrible. Vous êtes pas chinois, en fait, hein. Gore et associé. Espèce de sale pas chinois. Oh là là, le chinois. Putain. Qu'est-ce que c'est bien, le chinois. Mais resto chinois, c'est bien, en fait. Moi, j'aime bien. Takashimaya France. C'est pas vrai, du tout. Dragon Dio. Takashimaya France. Takashimaya France. Putain. Takashimaya France. C'est assez où quelle ville. Il est où, le portable? C'est où Takashimaya France? À Paris. Dragon Duo aussi. Dragon Duo aussi? Oh. Ah oui, Dragon. C'est le déodorant du dragon. Dragon Duo. Ah. Cap-pa-pa-la. Alors, quel effet ça vous fait maintenant que vous avez attendu tellement la première émission? Vous la connaissez par cœur, et que Logan me tend le téléphone, je n'ai juste à faire le bouton vert pour appuyer. Ça y est, c'est fait. Mais qu'est-ce que je lui dis? Je vais pas faire le raciste, ça se fait pas. Non. Ah, t'es chinois. Que le numéro demandé n'est pas attribué. Voilà, fais mieux ton travail. Fais mieux ton travail. Tu passes à moi, tu dis ça au pass jaune. Attends. Il y en a deux numéros, c'est l'autre. Mais j'ai téléphoné le au Dragon Duo. Non, mais appelle Takashi Kariyamana. Ya, France. Oh, tu sais ce qu'on va faire? Takashi Takamana. On dit que. Bien, viens, on leur parle avec Reverso. Allez. Ah ouais! J'ai galéré parce qu'à chaque fois il faudra que j'écrive. Mais au début tu fais. Ah non, un resto japonais, t'as pas? Moi je sais dire bonjour, je m'appelle le roi Arthur en japonais. Oh t'es chiant toi avec ça, hein. Ça veut dire c'est bonjour, j'aime les beats, et toi tu dis. Oh Takashi no Maiva, je sais pas quoi là. Je t'ai fait avoir, ça se trouve. Toi tu es là, t'es tout content, et toi t'en dis quel con. Mais t'en reviens dans des. Il est con, ton mec, hein. Bon, moi je suis. Et là il est vraiment très con, ouais. Je marque bonjour, vous avez des names sur. Ah mais Takashi Maya, on sait pas si c'est japonais. Takashi Maya, ouais, on s'en bat les couilles. Je sais pas si c'est. Si jamais il me dit non, il dit t'es japonais, hein. Écoute. Avez-vous des names? Non, vous avez des names. Bonjour, vous avez des names? Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, vous avez des names? Non, avez-vous des names, faut dire. Avez-vous des names si tu veux? Parce que comme ça il traduira bien. Ou alors je parle en chinois. Comme ça il commence à parler en chinois. Bah oui, c'est ça que je voulais. Ah, tu voulais qu'on lui parle avec Reverso en chinois? Ouais. Ah, mais il faut t'exprimer clairement alors. Est-ce qu'on a la traduction en chinois? Oui, on l'a. Ta-ta-ta-ta! Eh bien non. Oh, ça fait mal au fessier quand même. Oh, putain. Oh, ça fait mal au fessier. Mais c'est le japonais? Le japonais, je pense pas non plus. Non. Il n'y a rien à traduire, c'est normal, j'ai rien écrit encore, ça m'empêche. Bonjour. Ah, appelle-moi un resto chinois alors. Un resto japonais, je crois. Bah, Takashimaya. On sait pas si c'est chinois ou japonais. T'as tapé quoi sur, pour rechercher? Magasin japonais? Bah alors c'est japonais, c'est sûr. Bonjour, vous avez des sushis? Mais il y aura des moments, il y aura des blancs quand même. Hein, parce qu'il faudra que j'écrive. Oh, eh, on a même pas la traduction en japonais. Sans déconner. Ils sont nuls, hein. Ah, je marque bonjour. T'imagines, je commence à lui faire Watashino Namaeva Chasama. Ta gueule! Il me regarde et. Comment il peut te regarder par le téléphone? Non, mais en visio! Il peut te regarder! Et après, j'entends moi! Il commence à se dérouler en espagnol, en japonais, il commence à parler, raconte sa vie et tout, il est. Oh, tu es content et tout! D'accord. Et je vais faire en japonais. Tu sais quoi, tu as qu'à te lancer dedans? Ouais. En attendant, moi j'écoute ce que ça donne. Bonjour, avez-vous des sushis? Oh non, hé oh! Bonjour, avez-vous des sushis? Attends. Je vais faire bonjour. Bonjour, point, espace, espace. Point. Espace, espace, espace. Avec... Bonjour. Avez-vous des sushis? T'as su me répondre, tu me dis. Tu me réponds, tu me dis bonjour. Moi, je suis non! Non, je suis dégoûté s'il fait bonjour. Chut. Bonjour. Avez-vous des sushis? Parfait, magnifique. Ah, c'est trop bon. Il ne manque plus que le numéro. On va se refaire. Non, bonjour. Putain. Avez-vous des sushis? Il met pas le sens interrogatif dans la phrase. Takatimaya, apprends. Allez, lance-moi ça! Ah ouais, ça va être des vrais faux. Attends, il vient de où le micro? Allez, le micro allez. De l'ordinateur. Allez, les mecs. Takashimaya, bonjour. Bonjour. Avez-vous des sushis? Bonjour. Avez-vous des sushis? Oh salope! Attends, c'est quoi? Je vais t'appeler et tu vas me dire si tu entends parce que ça se trouve on s'enflamme pour rien, elle entend pas du tout en fait, ça se trouve. Ok, man. Et pendant ce temps, vous allez vous taper une petite musique dans les fesses. Tu l'appelles. Qu'est-ce qu'on s'écoute comme musique? Chéri Cole, Parachute, et on se retrouve juste après ça, Chéri Cole, Parachute, la nouvelle découverte d'Arius. On se retrouve juste après ça, gardez la patience, gardez la foi, gardez les draps. Et puis après on arrêtera les canulars, voilà, parce qu'après ça devient chiant bien sûr. Et on se retrouvera juste après ça, mais ladies and gentlemen, Chéri Cole, Parachute. I don't tell anyone about the way you hold my hand. I don't tell anyone about the things that we have planned. Won't tell anybody, won't tell anybody. They wanna push me down, they wanna see you fall. Won't tell anybody how you turn my world around. I won't tell anyone how you. This is my favorite song. Won't tell anybody. Won't tell anybody. They wanna see us fall. They wanna see us fall. Et de retour, eh bien, oui, la personne entendait bien, bonjour, avez-vous des sushis? Mais juste, elle a pas voulu jouer voilà. Au jeu. Alors peut-être que c'est elle qui a créé Reverso ou Acapella. Non, c'est Acapella. C'est Acapella le truc. Alors, et là, nous avons la traduction Wikipédia des fils de pute. Voilà. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que pendant que les CD défilent, nous n'avons strictement rien à faire. Et nous cherchons des choses pour nous dépasser. Voilà. Tandis que Logan m'affiche sur son écran la définition de enculé de ta race sur Wikipédia. Donc déjà, une petite traduction de fils de pute. Je me lance, je vous lis. Fils de pute, c'est équivalent, fils de putain, enfant de putain, ta mère la pute, ou encore ta salope de mère, sont des expressions du vocabulaire injurieux, souvent utilisées comme insultes. C'est sûr qu'on dit pas ça. Ouais. Salut, ça va bien, fils de pute? Ouais. Elles sont relatives... Enfant de putain. Personne dit enfant de putain. Mais oui, c'est clair. Elles sont relatives au tabou de la sexualité de la mère, ainsi qu'aux enjeux de filiation. Utilisation impersonnelle, c'est-à-dire sous forme de jurons courante dans certaines langues comme l'anglais. Sans dans votre bitch. Et dans le français du sud, dérivé des parlers occitans, fan de putain en Provence, et surtout le i de pute, garçon et béarnais, quasi institutionnel, qui recouvre une infinité de signations rarement injurieuses, où ta mère la te pue chez les jeunes. Alors dis-moi, mon petit Cusco, sa mère la te qu'as-tu compris? Alors, au début je comprenais, mais après, après quand ils ont commencé gâchon et tout ça. Non, j'ai pas compris. Blessé. En psychanalyste, le tabou de la sexualité de la mère est lié à une exclusion mutuelle entre amour et désir qu'un homme peut ressentir vis-à-vis d'une femme. L'insulte a ainsi comme première fonction de blesser. Lève ta main de mon cul. Si l'insulte fait explicitement référence de manière dégradante à la sexualité de la mère, son emploi courant est le plus souvent performatif, sans apport évident, réel ou imaginé. Donc en fait, c'est fait pour que... En fait, voilà. C'est fait comme ça. En fait, si vous avez compris, laissez un commentaire. Ça nous avance bien. Ouais. Avec, par exemple, les formes contractées, son of a bitch, son of a gun, son of a, en anglais, et hijo de puta, ou puta madre, en espagnol. Puta madre. Alors, Logan, lance-toi. Alors, et lis-nous. Ah oui, attends, c'est là où il y a les traductions. C'est là où il y a les traductions. Ah oh, putain, vas-y. Alors, toi, tu lis le truc et moi, je lis les traductions. Alors, non, Dominique. Pas celle-là, de quoi? Pas la première, elle est nulle. Tu vois? Quelle première? Je lis ça ou pas? Non, tu dis pas ça, on s'en bat les couilles. Je dis quoi? Alors tu dis les expressions traduites par Wikipédia. Alors, à partir de là. Je comprends pas ce que tu veux dire. Lis, lève ton main. Lis ça. Lève ton main. Et moi je lis ça. Alors. Alors Festen, traduction. Festen, il déchire sa mère. Alors ça c'est Jamel Debbouze qui disait, ça veut dire Festen est extrêmement bon. Allez vas-y. T'es flippé ta race, bâtard. Tu as vraiment la trouille. Barre ta race, arrache ta race, claque ta race. Le camp. Il pleut sa mère. Il pleut à verse. Ferme ta race. Tais-toi, ferme ta gueule. Amène ta race. Viens-t'en, amène-toi. Je suis blindé, sa race. J'ai trop mangé, bu, je n'en peux plus. C'est pas fictif, hein, c'est totalement sur le site, hein. C'est la vérité. Wikipédia. Wikipédia, pour ne pas citer nos références. Et là, on va faire un petit tour du côté des sorties. Cinéma, mercredi 17, moi, je vais aller voir Bas Lieutenant, parce qu'il a l'air extrêmement stylé. C'est avec qui? On en parlera tout à l'heure. Je te demande donc de te rapprocher de l'ordinateur, afin que l'on t'entende mieux. Okay. D'abord, on commence par Lana Kerr avec Romain Duris et Vanessa Paradis, qui ont fait une tournée de avant-première dans la France, et on les a ratés. Ensuite, il y a Blanc comme neige avec François Cluzet et Louise Bourgoin. François Cluzet qui était nommé deux fois dans la catégorie des Césars. Et là, j'en viens aux Césars. Et les Césars... Il y a un prophète qui a tout raflé. Un prophète qui a tout raflé, qui a eu 9 Césars. Ou 6, juste. Non, c'est des mineurs qui a eu 6 Césars et un prophète, il a eu 9 Oscars. Ensuite, il y a Soul Kitchen, film allemand, donc n'allez pas voir ça. Ensuite, il y a Bush Palladium. Mesure exceptionnelle, le nouveau film de... Harrison Ford. Ah ouais. La révélation. Il a Star Wars, Harrison Ford. Hein. Attends. Bad Lieutenant escale à la Nouvelle-Orléans. Et Logan s'amuse de son côté avec sa petite application iPod. Voilà, amuse-toi bien. Donc, tout à l'heure, tu disais, Logan, tu parlais de gâchant. Ouais. Et là, nous allons en venir à notre fabuleuse histoire. Tarzan, l'homme singe. Ouais. À notre fabuleuse histoire, approche-toi là, putain. Mais on entend. Notre fabuleuse histoire de gâchant en permanence. Ah, gâchant en permanence. Alors voilà ce qui se passe. Alors, nous sommes en permanence, il y a un surveillant qui s'exprime de cette manière. Je vous le fais. Gâchant. Hey, gâchant, là, j'interdis aller là-haut. Et donc voilà ce qui se passe. Donc Cusco se place derrière moi en permanence. Ouais. Et d'un coup, le surveillant lui dit non, non, gâchant, tu viens pas là-bas, tu viens. Alors là, Cusco tente la technique la plus nulle du monde. Il se met position bras, tête entre les deux bras. Il met la tête dans les bras. Comme on nous apprend à l'école maternelle, ouais. Vous savez, la tête dans le panier jusqu'à la sonnerie. Et ben voilà, il nous fait ça. Et là, le surveillant de loin lui dit non, le surveillant dit rien. Donc là, ouais. Il se fait oublier. Ouais, là, et là, moi, pour rigoler, je le regarde, je dis allez, gâchant, prends tes clics et tes claques et tu dégages. Alors là, Cusco parle avec une autre personne et rigole avec cette personne. Et là, le pion arrive et dit gâchant. Alors là, Cusco retente sa technique de bras dans la tête, dans les bras, et là, le surveillant s'approche lentement de lui et lui dit, et là, je vous jure que c'est vrai, c'est absolument pas fictif. Allez, gâchant, prends tes clics et tes claques et tu dégages. Là, Cusco ne bouge pas, rien ne se produit. Il lui relève la tête et là, changement totalement facial de Cusco qui fait. J'ai mal au ventre. Le surveillant. Non, ou alors il a dit après, tu prends tes clics et tes claques. Non, je sais pas. C'est pour ça que tu as rigolé, je pense. Enfin, bon. Tu vas me faire un. J'ai mal au ventre sur la Champions League. Je te laisse la parole et moi je vais m'évaporer, je vais me mettre en arrière quelques minutes. Ouais, et tu vas aller pisser aussi, non? Tu veux pas aller pisser? Non, tu ne veux pas. Non, ça va, je garde la foi. Non, moi, par contre, moi j'ai confiance en ma PC et à ma PC. En ta PC? En ma PC! J'ai mal au ventre! J'ai mal au ventre. Le pire, c'est que après, dans mon rigolage, on a qu'à appeler ça, rigolage, et ben j'ai craché un truc de fou sur le pion qui a tout pris dans la gueule sans voilà. Se plaindre. Et ouais, c'est dommage. Ah, motherfuck. Alors là, attention, je vais vous faire un petit tour sur l'actualité des clubs français en Champions League. Je vais pas vous parler de tout parce que c'est pas très important pour l'instant. Alors déjà, qualification de l'Olympique Lyonnais ainsi que des Girondins de Bordeaux. Déjà, les deux clubs français engagés en Champions League qui se sont qualifiés avec un étonnant match de l'Olympique Lyonnais à Madrid, en Espagne, à Santiago Bernabéu. Ils sont allés arracher le nul un partout, ça fait que ça les a qualifiés. Et tellement que c'était pas attendu, je vous rappelle qu'au départ, eh ben, j'avais dit que le Real avait gagné 3-0, donc voilà. Ah ouais, je m'en rappelle. J'ai perdu côté match. Après, ben, les Girondins de Bordeaux, comme d'habitude, ben, ils sont allés gagner à l'extérieur contre l'Olympiakos, les Grecs. Le club de Djibril Cissé, ils sont allés gagner 1-0, donc normalement, pour le retour, ben, ça devrait être facile. Voilà. Et puis, donc... Si vous avez kiffé aussi, eh ben allez voir le résumé de Arsenal Porto, 5-0 pour Arsenal. En tant que supporter des Gunners, ben je me suis régalé. Voilà, motherfuck. Femme qui rit à moitié dans ton lit. Ça me faisait plaisir, voilà. D'accord. Tout à l'heure, me trottait dans l'esprit, j'avais envie de la dire. Et ouais. Et puis aussi, je tiens à noter que Lille a gagné contre Liverpool, magnifique, 1-0, but de Hazard, le jeune prodige belge, voilà, il les a tous enculés, ces fils de pute de Liverpool. Après, ben l'OM, ils sont allés chercher le nul à la dernière minute à Lisbonne, au Portugal. D'ailleurs, Nikita a été annulé sur M6. Ouais, bitch, si M6 nous écoute, vous êtes des sons of a bitch. Voilà, donc M6, je ne traduirai pas ce message. C'est transparent. Voilà, bah, ils l'ont fait pour moi. C'est transparent, c'est compréhensible un peu. Et voilà, je referme cette page Champions League. Et nous, avec Logan, on radio un top topito. C'était bien marrant, mais visuel, donc. Vous ne saurez pas de quoi il s'agit. Bien dans je sais pas ce qui se passe, mais le tapis glisse là. Ah le tapis glisse à une vitesse impressionnante. Oh mon dieu. Allez, gardons la foi. Quelle heure est-il? Est-ce qu'on doit s'écouter? On a mon DK. Non, pas encore. Si, on peut. Non, on peut, mais moi je viens niquer de la life. Ok. Je t'ai déjà dit ou pas que je t'ai niqué de la life? Plusieurs fois. Mais je te le redis, je suis niqué de la life. Regarde-moi les yeux. Je suis un niqué de la life. D'accord. D'accord. Si tu le souhaites. Si je le souhaite, c'est pas que je le souhaite, c'est que je le suis. Non, que tu le souhaites. Niqué de la life. Nous allons rappeler le sextoy que nous avons... Voilà quoi. Le sextoy qui nous a sorti le mythique, le mythique. Des godes des vibromasseurs et tout et tout. Non, et compagnie, là. Des godes des vibromasseurs et compagnie. Alors là, je compte sur Logan, je remets l'ordinateur entre notre informaticien Logan qui va nous trouver le numéro en quelques minutes. De 3 je le reprends. Je veux le reprendre, alors je le reprends. Ah non, tu le reprends pas, il t'a entendu toi déjà. Non, laisse-moi assurer. Laisse-moi assurer. Cette fois alors, ce sera Darius. Ce sera moi. J'essaie de le garder, hein. Tu le gardes, hein. Je le laisserai pas partir. Parce que c'est faux. C'est faux, moi. Je suis un naked of the life. I'm a naked of the life. J'arrive comme ça, je vais le prendre, je vais dire, tu pars pas, lui, il va me dire, si, laisse-moi partir, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je vais arriver d'entrée, je vais dire, bonjour, vous aurez des vibros, lui, il va me dire, oui, bien sûr. Et moi, je vais dire, attendez. Papiers sont en règle, là, ou quoi? Ouh là là, j'appelle la douane d'entrée, là. Tout de suite. Ça va pas se passer comme ça, moi, je vous le dis. Je mémorise le numéro, hop, sur le post-it, je le marque, et on se retrouve juste après. Ah non, chez vous plaît. Gachant. Gachant, j'ai pas envie Gachant. C'était lui, ça se trouve. Allez, on va s'écouter tout de suite Young Money Bedrock. Ouais. En dédicace à... À Amandine, ma cousine, et à son meilleur copain, Romain. Romain. Comme elle nous l'a écrit. Smiley de petit cœur, ouais, smiley. Young Money Bedrock. On se retrouve juste après ça avec un vendeur de sextoy à l'accent très douteux. Ciao. I can make your bed rock, girl. She got that good, she Michael Jackson bad. I'm attracted to her, or her attractive bad. And now we murderers, because we kill time. I knock her lights out, and she still shine. I hate to see her go, but I love to watch her leave. But I keep her running back and forth. Soccer team, cold as a winter's day, hot as a summer's eve. Young money thieves, steal your love and leave. I like the way you walk, and if you walk in my way, I'm that Red Bull. Now let's fly away, let's buy a place with all kind of space. I let you be the judge, and I'm the case. I'm gutter gutter, I put her under. I see me with her, no Stevie Wonder. She don't even wonder, cause she knows she bad, and I got a grocery bag. Ooh, baby, I've been stuck to you like glue, baby. Wanna spend it all on you, baby. My room is the G-spot, call me Mr. Flintstone. I can make your bed rock. I can make your bed rock. I guess it's my turn. Maybe it's time to put this on your sideburns. He say I'm bad, he probably right. Pressing me like button downs on a Friday night. I'm so pretty, like be on my pedal bike, be on my low starch, be on my egg whites. He say Nikki, don't stop, you the bestest, and I just be coming off the top as bestest. I love your sushi roll, hotter than wasabi. I race for your love, shake and bake, Ricky Bobby. I'm at the W, but I can't meet you in the lobby. Girl, I gotta watch my bag, cause I'm not just anybody. I seen him stand in line, just to get beside her. I let her see the Aston, and let the rest surprise her. That's when we disappear, you need GPS to find her. Oh, that was your girl, I thought I recognized her. Ooh, baby, I'll be stuck to you like glue. Baby, wanna spend it all on you. Baby, my room is the G-spot, call me Mr. Flintstone. I can make your bed rock. I can make your bed rock. I can make your bed rock, girl. I can make your bed rock. I can make your bed rock. She like tanning, I like standing. She like romancing, I like rolling with friends. She said I'm caged in, I think her conscience is. She watching that Oxygen, I'm watching ESPN. But when that show ends, she all on my skin. Low chance, no emotions, roller coaster. Like back, forth, hold it. She pose like it's for posters, and I poke like I'm supposed to. Take this photo if you for me. She said, don't you ever show this. I'm too loyal and too focused. to be losing and be hopeless. When I spoke this, she rejoiced it. So your words give me open. So I closed it with your closes. I'm only loving for the moment. She ain't got a man, but she's not alone. Miss Independent, yeah, she got her own. Hey, gorgeous, I mean flawless. Well, that's what you are, how I see it is how I call it. Yeah, look at how she walk. Mm-hmm. She know she bad. You do your thing, baby. I ain't even mad, and I ain't leaving fast. I'ma stay a while. Hold your head, Chris. I come up with ooh, baby, I've been stuck to you like glue, baby. Wanna spend it all on you, baby. My room is the G spot. Call me Mr. Flintstone. I can make your bed rock. I can make your bed rock. I can make your bed rock. I can make your bed rock. I can make your bed rock. Connard de loup. Alors là, qu'est-ce qu'on va t'écouter? Parlons un peu de cette chanson. Ah ouais, alors ben, si la chanson. Voilà, ta fini. Gueule. Donc, alors. Voilà, c'est fini, c'est tout. Alors, c'était Young Money by Rock, et puis juste après ça, on s'écoutera Black Eyed Peas avec Rock That Body. Oh! Vous noterez que c'était pas comme la semaine dernière, on était là, on s'est dit, alors qu'est-ce qu'on peut s'écouter? Ah. One Tribe. Ah ouais, qu'est-ce que c'est bon ça? One Tribe? Ouais, ouais. C'est Black Eyed Peas. Aussi, ouais. Je ne la connais pas celle-là. Eh ben tu vas kiffer. Eh ben j'ai pas envie d'écouter tout de suite, j'ai envie d'écouter Rock That Body qu'on écoutera tout à l'heure. Et puis peut-être en fin d'émission on se fera un double Black Eyed Peas. Pendant ce temps, je vais vous expliquer ce qui se passe. Notre ami Cusco est allé téléphoner à un ami à nous qui voulait à tout prix passer dans l'émission. Donc peut-être qu'il va passer dans cette émission, mais seulement par téléphone. Vous comprenez? Vous suivez? Vous êtes sûr? D'accord. C'est bien. Tant mieux. Donc là vous venez d'entendre, ouais Nicolas, c'est Arthur. Donc la personne s'appelle Nicolas, vous l'avez donc compris, vous l'avez donc déduit, et c'est tant mieux, c'est bien, il faut. T'es tout seul, hein? Je suis tout seul, mais j'aime bien être tout seul, la solitude est quelque chose de bien. Vous savez ce qui est là où on se sent vraiment tout seul? C'est quand on se sexe sur un film porno un samedi soir après-midi, devant la télé, sur TMC Charme. Là, on a le sentiment de solitude. Totale. Totale. Solitude. Solitude. Solitude. Et là, vous êtes tout seul devant votre ordinateur et vous écoutez cette émission. Et vous dites, pourquoi j'écoute cette émission? Et c'est vrai. Pourquoi vous écoutez cette émission? Et moi, je vais vous le dire parce que vous allez entendre Nicolas et ses bruits bizarres qui va, lui, être dans un sentiment de solitude parce qu'il va devoir faire ses bruits bizarres tout seul à la radio. On le rappelle tout de suite, Nicolas va être avec nous. Ouais. Nicolas. Alors Nicolas a la capacité d'improviser des bruits bizarres totalement, extrêmement. Pourquoi raccroches-tu? J'ai pas appelé le bon. Tu as appelé Nicolas? Non, mais c'est pas celui-là. T'as appelé de Nicolas, là? Non, moi c'est pas Nicolas. C'est à quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui... C'est Burezi. Mais tu l'as appelé tout à l'heure, Nicolas. Bah oui, voilà, c'est. Allez. Mais il est con. Voilà, c'est là. Mais il est con. Hein? Mais ta gueule. Il est con. T'es con. Mais là j'appelle Burezi là. Mais t'es con. Mais il est con. Mais t'es con. Ah oui. Allô Burezi. Burezi. Ouais. Tu es parti. J'entends rien. Tu es prêt Nicolas? Je fais quoi? Tu fais tes bruits. Allez Nicolas. Tu es prêt? Tu nous fais un max de bruit. Tu as 5 minutes. T'es prêt? C'est parti. Mais attends, je vais pas faire des bruits pendant 5 minutes. Non, quoi? Mais attends, fais-nous un bruit. Nous, on va aller boire un coup et toi, tu nous fais des bruits tout seul. Fais-nous le. Tu nous fais. Je veux que tu me fasses. Je veux que tu me fasses le DA. Ah. Ah, le DA. DA. Recommence. Ah. Et comment, quel bruit? Ah, tu voulais nous faire tes bruits, Nicolas, et là, d'un coup, on est déçu là. Tu es pas dans le truc. Mais je capte rien, là. Tu captes rien? Allô? T'inquiète pas. Si, ça capte très bien, Nicolas. Arrêtez de me sentir le cul derrière. Quoi? Je me fais sentir le cul, Nicolas, si crois-toi ça. Arrête-toi, lève-toi. Putain, bon Nicolas, tu m'as déçu, je vais te raccrocher au nez. Tu es prêt, Nicolas? Nicolas! J'entends rien. Mais tu m'as déçu, Nicolas! Je te raccroche au nez. Tu n'as même pas le mérite que je te parle normalement. Esclave sexuel. J'entends rien, Charles. Voilà, c'est ça! T'entends très bien! Allô? T'entends très bien! J'ai dû toucher ce. J'ai... Mon dieu, que c'est. T'entends très bien! On va couper là, on va couper. Ça. Oui! Quelle déception ce Nicolas! Quelle déception! Putain. J'ai été déçu par Nicolas. Mais non, Nicolas! Tu as failli à ta tâche, Nicolas! Pourri en enfer! Fils de Satan! Mais non, Nicolas! Tu garderas la même cible. Et là, moi. et là, pour vous garder avec nous, nous devons faire quelque chose de drôle. Comme quoi? Comme un sex shop. Non! Ah ouais! Ah ouais, un petit sex shop! Et tout à l'heure, on va organiser, mesdames et messieurs, un combat d'élastique. Oh yeah! Un combat d'élastique. C'est possible, c'est humain. On va organiser un combat d'élastique. Donc voilà, on vous explique les règles, on a déjà joué en dehors de l'émission. Ouais. Donc chacun a sa place et doit envoyer son élastique sur l'autre. Ils sont à même pas 20 cm de distance, ça fait très mal. Et on désignera. Vous allez vous entendre gueuler. On désignera les deux participants. Bien non, entendu. Non, on sera trois à participer. Non, deux. Alors. Si on sera trois à participer. Non, parce que. Mais on tourne. Et ouais. On tourne. Tu cherches un sex shop là ou quoi là? La maison du X. Tu veux te retrouver au chômage ou quoi là? La maison du X. Demande mon téléphone. Je suis déjà au chômage, je travaille au black. Chut, il y a des gens qui nous entendent. Et alors je l'ai dit haut et clair. Tu dis haut et fort. Haut et fort. Fort, haut et pareil. Clair. Alors clair et fort. Alors. Haut et clair. Allez, vas-y. Tu me notes le numéro et nous, on va vous parler de la prochaine chanson que vous allez écouter. Ouais. Rock Bad Bolted de Black Eyed Peas. Que dire? Carton. Voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Je suis en train d'appeler. Vas-y, non, tu es prêt? Je suis chaud. Qui c'est qui? La maison du X. J'ai pété. On l'a pété. Coussin. Oui, bonjour. Bonjour, je voulais ça. Bon, allô? Putain. Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Direct, on lance l'appel et Logan il pète. Logan il a pété. Oh putain. Oh, j'avais réussi à me vider mentalement, spirituellement. Ouais, moi aussi. Et là, d'un coup, bande de son of a bitch, lui pète. Et vous êtes aussi la chambre. Donc c'est pour vous dire, tellement on a rien à faire pendant la pub. Pendant un moment donné, je me suis retourné. Cusco avait le nez entre mes deux fesses et il m'a dit, vas-y, pète. J'ai jamais vu ce que ça fait. Ah, oh putain, il ouvre la fenêtre et tout, c'est horrible. Ah ouais, ça pue. Les coussins, c'est pas pour rigoler en fait, c'est parce que ça pue. Dieu tout puissant. Seigneur Dieu. Protégez mon âme. Cherche un autre truc. Ah ouais, cherche un truc. Mais là, tu as rigolé. Non, cherche-nous truc de fruits. Essaye d'avoir Chiriri. Qu'est-ce qu'il fait, Cusco? Oh oui, Chiriri. Ah. Allez, vas-y. On retente l'expérience. Tu l'as? Non, j'en ai pas. Ok, vas-y. J'en ai pas, j'ai dit. Ah. Tu aimes bien me sentir le cul ou quoi? Attends, mais tout à l'heure c'était forcé hein. C'était... Tu m'as demandé, je m'as dit allez vas-y. Moi je t'ai dit non, c'est bon, ça va. Il me dit si, vas-y, j'ai jamais vu ce que ça fait. Moi j'ai dit bon, typé de merde. Chiriri, c'est. Tout le monde se rappelle de Chiriri, le fascicule, le collector. Ouais. Ah, plateau de fumeur. Ah, ouais, plateau. Mais faut rappeler avec la musique. Faut rappeler avec la musique. Oh là là. Chiriri. Tu l'as? Allez, compose le numéro. On est parti, on se concentre spirituellement. Qui c'est qui parle? C'est moi. La musique. C'est moi. Ouais, si tu veux, moi. Ah non, on reproduit pas les mêmes événements que la semaine dernière. On arrive, on dit, vous avez le plateau de fruits de mer, ouais. Et lui, il fait, oui, j'ai le plateau de fruits de mer. Oui, le plateau de fruits de mer. Ah, putain, j'espère que c'est le même qu'ici, hein. C'est bon, j'espère que je vais pas péter. Ah, putain, mais normalement, tu vois, non. Si tu en as, tu le gardes, ou alors tu le mets sur la gueule de Cusco pour qu'il sente ça, ce que ça fait. Ha ha ha! il a pété le matin. Il était à fond en sueur et tout. Nous sommes dans les yeux sur nos bitches. Here we go, Spal Mario. Je me sens seul. Je me sens tout seul. Allez! Il va pas décrocher. Je suis avec toi, mais non, il va pas décrocher. Comment ça se fait qu'il répond pas? Attends, laisse. On est vendredi, bon. Oh, ça, on avait bêf! Pourquoi tu réponds pas? On est vendredi! Putain, c'est pas vrai! Mec, sa mère, okay. Allez, chez Claude! Chez Claude! Hé, hey, Clodo, là! Clodo, il m'a dit. Alors, et là, vous vous demandez, la semaine dernière, ils ont chanté Sous le vent. Qu'est-ce qu'ils vont chanter cette semaine? Et là, je vous dis, allons-nous chanter? Oui, nous allons chanter. Dites-nous par la pensée. Là, dites-nous par la pensée si vous voulez qu'on chante. Ok, on va chanter. Chez Claude. On va chanter, mais d'abord, nous appellerons Chez Claude. Chez Claude. Mets-le au parleur. Chez... Ouais, je vais le mettre. Vas-y, mets-le maintenant. Mets-le maintenant, motherfuck. Ouais. C'est un son bizarre déjà le téléphone. Mm. Ça c'est signe de mythique. Oui, allô. Oui, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je voulais savoir si vous... Si vous aviez... Pourquoi vous rigolez comme des bâtards? Non mais je repasse, je repense. En plus, ton gars, je crois qu'il a répété. Non, cette fois, non. Putain, humour pipi caca, vous êtes à fond, les grands, hein. Ah ouais, allez. Bon, là, j'ai Jérémy, là. Voilà. Jérémy, Jérémy, chez Claude. Ah, Jérémy, je croyais Jérémy au début. Allez, Jérémy, bah, Jérémy, Poisson aussi. Et là, on va s'écouter Rock Bad Body, Black Eyed Peas. On se retrouve juste après ça. Rock Bad Body, Black Eyed Peas. On se retrouve juste après ça. Shaking it from the bottom to top. Freak to what the DJ drop. We be the ones to make it hot. To make it hot. Electric shock. Energy like a billion watts. Space be booming, the speakers pop. Galactic, call me Mr. Spot. We bumping in your parking lot. When you coming up in the spot, don't bring nothing we call pink dot. Cause we burning around the clock. Hit the lights and then turn them off. If you green, that don't make you stop. Like the jungle, we run the block. No one rolling the way we rock. Way we rock. Yeah, you could be big bone, long as you feel like you own. You could be the model type, skinny with no appetite. Short stack, black or white, long as you do what you like. Body out of sight, body out of sight. She does a two-step and a tongue drop. She does a cabbage patch and the bus stop. She likes electro, she love hip-hop. She likes to break it, she feel punk rock. She likes samba and the mambo. She likes to break dance and calypso. Get a little crazy, get a little stupid, get a little crazy, crazy, crazy. I wanna dance in the lights. I wanna rock, I wanna rock your body. I wanna go for a ride. Hop in the De retour, on s'est installé, on est en position pour le combat d'élastique là. T'es tous prêts? Bon, je sais qui joue. Chacun, on se fait à 3 et on se fait à tour de rôle. Ouais. Alors. Vas-y. Moi je suis prêt. Mais attends. Vous êtes des bâtards. Attention, on le fait en même temps. Attends, chacun. Oh, mais j'ai pas tous moi. Vous êtes des bâtards. Mais non. En triangle. Ouais, en triangle, ouais, comme ça. Attends, je pense que ça va pas rater. Ah, le bâtard. Ça fait trop peur. Attention. 1, 2, 3. Il m'a raté. Ah, j'ai réussi, j'en ai trouvé deux, c'est bon. Passe-moi le mien. Tiens, on essaie de se mettre face à face. Face à face. Oh non, mais faut être face sur moi. Attends, il faut trop les tirer. Ah le bâtard. Tout sur lui. Même pas. Mais moi j'arrive pas, oh putain. Attends, moi j'arrive à 3 et lancer. Non. Arrêtez, hein. Oh putain. Vas-y, je te mets ma gueule. Arrête. Ah le bâtard. Dans les dents, il me l'a envoyé. Ah le bâtard. Souris. Il est où? Ah putain, il est où? Il est où le? Ah dans le cul. Ah il est là. Ah non. Ah putain, raté totalement, j'arrive plus à les faire. Putain, ça m'a fait les cheveux. J'ai envolé. Non, arrête. Sur la peau et tout. Arrête. Les cheveux m'ont sauvé. Ouais, j'arrive trop bien, moi, maintenant, ça y est. J'arrive pas. Putain, le bouc, si je bloque. Non, t'as pas l'air d'en prendre. Ouais, bon, allez, c'est bon. Non, j'arrive pas à les lancer, c'est trop chiant. Excusez-moi, j'arrive. Tu sais comment je mets le pouce, je vais voir comment tu fais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais le pouce, il me fait mal. Regarde, allez, vas-y. Ah, dans le cul, il m'a mis le bâtard. Ah non, arrête. Ah, dans l'oreille. Ah, il a baisé le bâtard. Putain, il a pris les trois là. T'as pas le droit dans les trois. Bah, les couilles. Vas-y, dans les couilles. Dans les couilles, il a mis dans les couilles. Ça va faire mal là. Ça va faire mal, bâtard. Attention. Ah, il a pété. Tiens, moi lui, il a mérité. Vas-y, il va me l'envoyer au dernier moment, tu vois. Attention, gros silence. Ils en ont un chacun. Ça y est, on a un chacun maintenant. Non. Ouais. Il est où? Il m'a envoyé le matin. L'envoyer dans l'oreille, t'as pas le droit. Là. Ah, l'enculé. Ah, putain, alors là, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au... Ah, ah, ah, je te vois travailler, ah, putain. Ah, le temps qu'il est, là. Ah, le bâtard dans la gorge. Ah, là. Ah, oh, il est pour moi. Oh, mais c'est le mien. Oh, putain, je suis à couvert, là. Couché, là, ils en ont un sac. Ça fout tout, pas de bâtard. Ils en ont un sac. Il y en a qui est parti, il a raté. Ah, yeah. Les cheveux, les cheveux. Ah, j'en ai pas. J'ai la classe, c'est pas visé, vas-y. Ok, bah. Je t'aurais obligé de t'aurais souri. Oh merde, oh putain, ça y est, je sais bien le lancer. Moi aussi. Attends, attends, venez, on garde tous à la même position, je me le remets en même endroit. Attends, j'en cherche un. On lance en synchro. Ok. Arrête, non, non, non, déjà tu vises pas. Quoi ça, Johnny? C'est bon, tu l'as raté. Attends, attends. Attention, tout le monde en position. En triangle. Moi je vise bien. Attends, attends, attends, moi je dois viser Cusco. Non, Logan. 3, 2, non, pas la tête! T'es un matard de Cusco, pas, pas la tête! Ok, ok. Descends. Et bah, là, là, j'étais dans le cul là. Attention. Ah! Je l'ai raté, moi. Je me suis raté complètement. Moi aussi. Il est où le mien? Ah! Ah! Oh, vous êtes tous contre moi, bande de bâtards! Ah! Dans ah. Là, il a envoyé le bâtard. Ça va? Ah, tu m'as niqué l'œil, bâtard! Ah, putain, il a envoyé dans l'œil! T'as un gros enfoiré, en plus il avait rien dans les mains! Non, non, pas à bout portant comme ça! Ah! Vas-y! Non, pas prêt, pas prêt! Vas-y, vas-y! Non. Dans les couilles! Non. Dans l'œil! Non! Non, non, non, non, non, bâtard! Ah! Ah! Enlève le t-shirt! Enlève le t-shirt, le bâtard! Ah. Allez, vas-y! Non! Vas-y! Vas-y. Ah, non, non, non! Allez, vas-y! Non! Non! Non, enlève le t-shirt! Non, non, non, non! Aïe! Tu as pété? Ça y est, je l'ai cassé. Ça y est, non, ça y est, ça y est. Ça y est, Swan, 3 ans, Logan, 3 ans. Allez, vas-y. Ah, ça y est, moi, je c'est moi qui ai les deux. T'as les 3? Ouais. T'as les 3? Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Ah! Mets pas les pieds. Ah! Putain, j'en avais un, moi, à un moment donné. Attends, non, non. À un moment donné, j'en avais un. Vas-y, vas-y, vas-y. Les bâtards. Non, non, moi, j'ai rien, moi, j'ai rien, moi. Ok. Pas le droit d'attaquer un mec qui a rien. C'est contraire au code des Jedi. Pas le droit de m'attaquer. Attention. Ah, putain, ils vont s'affronter, moi, je vas-y, marquer. Ah ouais, on lance déjà à 3. 3, 2, 1, go. Ah. 3, 2, 1. Donc, nous, on va s'y... 3. Ah, non, t'as pas le droit, t'as matin. Putain, il m'a frôlé. Oh, j'ai visé Darius. C'est bon, j'ai retrouvé le troisième. Ouais, c'est bon. Ah! Non! Non! Vous êtes des bâtards! Non! Vous êtes des enculés! Putain, mais lui là, l'autre il a un gros pull. C'est un gros enfant. Ouais, ouais. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! J'en ai deux! Oh putain! Motherfuck! Ah! Ah! Ah! Dégage! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Non, non, non, non. Tiens, regarde, il a un gros bout là! Ouais, trop bien! Ah, yes! Allez, vas-y, un bout portant, soit! Ah! Dans le cul! Ah! Non, non! Allez, vas-y, Logan! Logan, ouais. Logan! Tiens, Logan, tiens! Fais gelé! Pourquoi vous allez contre moi? Ah, ah, la mère mal! La mère des mal, allez, vas-y! Vas-y, non, non! Non, non, non, non, je le fais, moi. Ah, ah. Bon, c'est bon, stop. Allez, c'est bon. Je retire ça, Charles, souris. Non, non, t'es un bâtard, c'est fini, on a dit que c'était fini, connard. Souris, Charles. Tu t'es allé contre moi, hein. Si tu lui lances, je te allez, vas-y, 3. Ok. Non. Non. De toute façon, moi, j'ai plus rien à perdre. Ça veut dire quoi, on est pas dans ah les... Vas-y, souris, Charles. Ah, tu vas foutre. Allez, vas-y, tire. D'accord. Totalement raté. Voilà, c'est bon, stop, on arrête, on a. Ah putain. J'espère que vous avez kiffé. Bah, c'est une musique maintenant ou pas? Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous mettre? Je vais me soigner là. Qu'est-ce qu'on peut vous mettre? Wesh, wesh. Wesh, wesh, Lulu. Ça, putain, faut qu'on aille penser aux blessures là. Ah, ouais, carrément, ouais. Qu'est-ce que tu as comme musique? Dis-moi. Seigneur Dieu. Qu'est-ce que tu as comme musique? Dis-moi. Bah, fais-leur écouter. Fais-leur écouter en ce moment qui est bien. Allez, les le. Un connard de loup. Connard de loup. On va leur prendre une musique sur Deezer, on va vous dire putain. Oh, c'est des bâtards, à un moment donné, j'étais tout seul contre le mur, est-ce que j'allais me faire fusiller ou vous êtes partis tous les deux? Ah. Pire, c'est Logan dans l'œil, s'il te plaît. Putain, ouais, c'est vrai. J'ai respiré. Et on se retrouve juste après, on va chanter Numa Numané. Numa Numaye. Mais d'abord, non, c'est on reprend notre souffle d'abord. Et avec des sons, hein, pour s'écouter là. On va s'écouter Timbaland. Oh, ah. Non, c'est déjà. Ben, Kesha, Blabla. On l'a écouté la semaine dernière. Ouais, elle y était la semaine dernière. Ouais, c'est vrai. What you say? Non, Fireflies, on va s'écouter. Parce que toutes les filles en ce moment, elles aiment Fireflies. Fireflies, All City. All City, man. Ok. Allez, dédicace à une personne qui écoute en boucle, qui commence par elle et qui finit par A. Laura. Non, mais non, si, je vais garder du suspense. Excuse-moi. Allez. Allez, ciao. On se retrouve après Fly. Dédicace à Laura. All CD, nous on va aller penser nos blessures, à coups qui sont partis après la stick. Ciao. Ah putain, ça fait mal. Ciao les loups. Ciao. Avec nous les loups. Allez les loups. Et là, nous allons rappeler des gourdes, etc., etc. Des libros, etc. Tu te souviens du numéro? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, Lélo. Du tout, Lélo. Je m'en rappelle pas, non. Ben alors, ce qu'on va faire... Attends, non, non, c'était... ça s'est passé quand? C'était vers quelle heure? On sait rien. Est-ce que c'était vers 14h15? Je sais pas, non, non, mais on va regarder sur les pages jaunes. Ouais, mais bon, il va galérer pour le trouver. Est-ce que c'était à Paris? Et non. Ouais, c'était à Paris. C'était à Paris, et ben voilà. Et on sait ce qu'on va passer. On va passer Ludacris avec Oh Low. C'est une chanson que nous venons de découvrir en même temps que vous. Ouais. Motherfuck. Motherfucker. Fucker. Et Cusco nous a trouvé les paroles de Manu Maillet. Allez, on va se chanter ça juste après. Là, d'abord, on va essayer de se retrouver des gourdes, etc., etc. Des gods, des vibros, etc., etc. Tiens, c'est dommage de les jouer, mais on a tout. On a tout. C'était librairie, ouais. Article, t'es sûr? Ouais, ouais. Ah, c'était la deuxième adresse de là. De ça. Voilà. Souvenir sexy. Tu veux te relancer ou c'est à moi ou Non, non, c'est toi, parce que Logan moi, tente. J'ai entendu ma voix, moi. Tiens. Logan tente. Non, non. Non, vas-y. Non, putain, parce que je fais rien, Logan. Il va trop rigoler. Au moment où je rigole comme un con. Gueule. La gueule. Putain, je fais le vide dans mon esprit. Allô? Oui. Oui, bonjour, je voulais savoir si vous aviez. Allô? Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, je voulais savoir ce que vous aviez comme jouet. Pardon? Je voulais savoir ce que vous aviez comme jouet. Ben, les jouets, je suis bien chez Sex Shop Souvenir Sexy. Oui. Voilà, ben, comme jouet sexuel. Bah, quel est le jouet? Vous avez des gouttes, des vibros, etc. Quel jouet vous cherchez? Des vibros. Oh putain! Mais je suis dégoûté! Moi, je suis dégoûté! Mais il a dit exactement la même phrase, hein! Non, non, non! Elle dit des gants et des vibros et qu'est-ce que vous cherchez, j'aurais dû faire le super anal 2012. Mais non. Destruction de la moule. Putain, j'aurais trop dû dire ça. Mais non, fallait dire ben en vibro. Bah laisse tomber lui, c'est bon, on l'a plus trois fois. Putain, ouais. Faut plus lâcher. Sans t'en faire, vous allez me laisser tranquille, hein. Putain. Tiens. Bon, vous achetez ou vous achetez pas là? Ça me fait chier un peu. On enchaîne sur un autre. On enchaîne sur un autre. Oh putain, on enchaîne sur un autre. Wow. C'est une chanson ça? Wow. C'est une chanson ça, on enchaîne sur un autre? Listen to me baby. Non. C'est quoi ça? Ça c'est Tayo Cruz, Bracura. Oh putain, ta gueule avec ça. Oula, j'ai failli me tromper dans le numéro là. Heureusement que je suis un peu d'alage. Heureusement, j'appelle, je dis. Alors, je me suis acheté section, il dit non, pas du tout. Et le petit fait. C'est il quoi, est con le mec, au début j'ai dit qu'il avait comme jouet, il dit. Comment ça, de quoi? Je dis bien. Le son était bien, il nous entendait. Hein. Je me vide. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je voulais savoir qu'est-ce que vous aviez comme jouet. Bonjour. Allô? Allô? Allô? Oui, je vous entends très mal, monsieur. Ah, d'accord. Mais vous comprenez ce que je dis un peu ou pas? Enculé! Entendez tout. Et non, il t'entendait. Mais là, et oui, en ce moment se déroule le salon du X. Je l'ai vu hier quand j'ai regardé, oui. Tellement voilà. Vrai avec l'Ali de Secret Story. Trouve-nous un numéro, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, peut-être qu'ils sont au salon du X en ce moment. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit qu'ils nous entendent pas. Voilà. Non, c'est juste que mon parleur il est pas terrible. Toujours dans la recherche Google, Wikipédia, fiche de pute. Attends, salon du X, alors j'ai. J'ai essayé de retrouver un numéro. Ah non, ben notre informaticien Logan va s'en charger. Ouais. Gardons la foi. Alors, on va vous parler de Ludacris Howlow. Donc, nous, on diffuse des sons qui sont tout droit sortis des USA. Ouais. Made in States, man. Voilà. Parce que c'est-à-dire que c'est les sons les plus écoutés aux États-Unis. Et celui-là est deuxième. Il est où? Il est deuxième. Ah oui. Il est huitième, mais bon, deuxième, troisième, en commençant par la fin. Je voulais jouer le jeu, je dirais deuxième. Qu'est-ce que c'est ça? Et Soul Sister Train. Mais on l'écoutera pendant la pub, voilà. Ouais. Et alors, peut-être que s'il est bien, on passera à la fin de l'émission, comme ça, si ça vous fait chier, vous quittez, voilà. On s'aventure toujours dans des chansons bizarres à la fin de l'émission qu'on n'a jamais entendues, voilà. La semaine dernière, c'était pas Romania. On n'avait jamais entendu Pyromania quand Quantum l'a passé pour la première fois. Il y a que Salon GX 2009. Il n'y a pas 2010? Non. C'est normal, il y a des vidéos, fait, regarde numéro. Parce que là, c'est des vidéos du truc. Non, mais on va pas appeler le... Ouais, le Salon GX. Le Salon du X. C'est des petits... Le Salon du X avec les doigts, petit guillemets. On appelle quoi, édition Concorde? On ne savait pas. Bien, on demande s'ils ont un stand au Salon du X. Bon, venez, sinon on chante et après on... Allez, chantons, mes amis. Allez, chantons. Chantons. Place à la musique. Non, mais on va le mettre sur cet ordi-là. On va le mettre sur cet ordinateur-là, sinon ils ne vont pas entendre. Numa Numa, d'abord, faut nous trouver les paroles. Ben, oh, Numa Numa, yé, lyrics. Ah, lyrics. Génial. Oh, ce serait beau, ça. Ben, ça serait beau, c'est qu'est-ce YouTube. Que... Oh là là. J'ai marqué YouTube, voilà. Yo. Tu sais qu'au Canada, YouTube, ça s'appelait Toi Tube. Sérieux? Je me promets. C'est bien, pas... on va voir la suite. Toi Tube. Non, YouTube, ça s'appelle. Alors, Numa Numa. Alors, Numa Numa. Yé. Yé. Mirix. Lyrix. Numa. Normalement, tu tombes sur. Voilà, la première. La première, c'est bon, tu es ouais. sûr ouais, normalement. On va essayer. J'ai envie de roter, oh. Ouh, il y avait le clip là, ça aurait été bien quand même. Mais il n'y a pas les paroles. Donc moi je fais Pablo. C'est qui? Y a qui déjà comme mec? Je connais pas du tout. Ah non, moi non plus. Oh putain. C'est pas grave, on chante, on improvise. Alors moi quand. Mais ouais, mais il y a des mecs qui chantent tout seul, alors il faut savoir. Ouais. Chitello. Voilà, ça c'est moi. Non, ça c'est moi. C'est moi. Fais-toi, tu fais le leader. Okay, et Swan, tu fais le dernier. Allez, c'est parti. Okay, ah d'accord, leader. Mais c'est ok. Only because I get. Attends, mais y a pas de son là. Yeah. Ma fille. Maya oh, Maya ha, Maya ha ha, Maya hu, Maya hu, Maya ha, Maya ha ha, Maya he, Maya hu, Maya ha, Maya ha ha, Maya he, Maya o, Maya ha, Maya ha ha. Allo? Allo? Allo? Salut! Chitero un haiduk! Chitaro! Lumidania! Chitershei! Vedishera! Allo? X2! Allo! Chieo! Picasso! Kendali! Sincero, Picasso, Chandali, ah non, je suis bonique, oh, destino, chemin, y'a pas un haïdouk, presta, presta, numa, numa, yé, numa, numa, yé, numa, numa, numa, yé, qui pousse à l'oshio, la l'ossalité, la l'oteste, le qui t'aide, presta, presta, numa, numa, yé. Bon, c'est bon, c'est bon. La merde. Oh. Rab, rab, rab, rab. Allez Logan, prends-nous un numéro. Ah, un numéro. Voilà. On a un numéro aussi. Oui, par téléphone. On se retrouvera après la pub pour une dernière partie d'émission. Non, non. Oh, quelle pub? Pas pub. Pas pub. Musique. Oh. Musique. On a mon sec. Mais je cherche quoi comme numéro? Je sais pas. C'est joli, mon coquin. Sex shop, sex toy. Encore? Mon coco! Non, maman, c'est dommage, y'a plus le plateau de fruits de mer. Ouais, je suis dégoûté qu'il soit fermé là. J'avais parlé de quoi ce matin? Je t'avais dit on va appeler un truc ou un truc rigolé. C'était quoi? Vas-y, un club échangiste. Non, j'avais trouvé un autre truc. Ah ouais? Ouais. Un mec, et on avait dit si vous gueulez Freeze Rato très fort, vous gagnez ça à 50 000 euros. Sérieux? Ah oui, voilà. Ouais, allez, vous avez on fait ça? C'est page blanche. Essayez de nous trouver quelqu'un que vous êtes ouais, sûr ouais, de. Page blanche, essayez de nous trouver quelqu'un que j'ai sûr qu'il réponde parce que sinon on risque de s'enchaîner beat sur beat et nous on va s'écouter musique. Musica de How Low. Alors je vais vous dire le nom de la chanson parce que je l'ai découvert à 5 minutes. How Low de Ludacris. Ludacris. Parce que Ludacris, que c'est un bon. Voilà, How Low de Ludacris, on se retrouve juste après ça. How low can you go? How low can you go? How low can you go? How low can you go? How low can you go? How low can you go? How low can you go? How low can you go? Dans une rue. Dans la rue que Darius. Ouais, il habite dans ma rue, ouais. Et en fait, cette personne-là, elle fait que recevoir des œufs chez elle. Et tous les soirs, on lui balance des œufs dans c'est pas nous, hein. Non, non, c'est pas nous, c'est des non, gens, c'est on nous, les non. connaît pas. Ils balancent des œufs sur leur baie vitrée. C'est des merdes. C'est trop des merdes. Et un jour, je me rappelle parce que ma mère est très amie avec leur mère. Ah. Et tout le monde, ma mère, elle est très amie avec tout le monde. Et ben ce mec-là, Xavier, un jour, il était en train de jouer à l'ordinateur. Et puis d'un coup, il entend des bruits comme ça. Et il fait, oh bah ça va, c'est des œufs. Alors tu vois, tout le monde, les gens lui balancent des œufs et tout. Et puis un jour, j'étais venu parce que ma soeur elle prend des cours de piano chez elle. Et il y avait des sales traces de merde sur les vitres. Et la mère de Xavier a dit, oh non, non, c'est des œufs, ça part pas. C'est horrible, mais t'imagines, voilà. Ils peuvent pas le faire partir en fait. Et Darius qui habite dans la même rue que ne reçoit jamais deux. J'ai jamais reçu deux sur ma bête rue. Sur ma baie vitrée. Je jure que t'en as pas non plus. Mais ils ont une sale baie vitrée eux. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Mais moi, même pas sur les fenêtres, rien. Qui sait que ça peut être, qui ça peut être. Je trouve que c'était voisin d'en face, voilà. Peut-être. Ça se trouve que c'est Rémi Bernard. Rémi. Rémi. Ça se trouve que c'est Rémi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on on vous disait quoi? On vous promettait quoi avant de passer à l'émission? Vous me promettez un appel? On vous promettait d'appeler ces personnes qui sont à la recherche. Je vais appeler, je vais dire bonjour, vendre deux, et ils vont faire non! Non! Pourquoi? Je vends des œufs. Bonjour, je vends des œufs. Alors, à ce qui paraît, ça a été retrouvé sur... Sur votre terrain. Les gens ne sont ni repris ni échangés. Non, non, non, pourquoi je ferais pas ça? Parce que après ça va revenir sur moi après. Ah ouais? Ils le savent? Je sais pas, mais moi je parle pas. Non, c'est moi qui veux parler. Moi je crois qu'ils me connaissent aussi. Le mieux ça serait que ce soit Logan qui parle. On tape leur nom parce que ça l'a perdu. Allez, vas-y, tape leur nom. Moi je tape leur nom. Et après je vous parle de la chanson qu'on va essayer d'écouter à la fin qui est The Script for Anything. On l'a mis parce que à la fin parce que dans les pages blanches faut chercher. Ah ouais. Pages blanches ouais. Oh non, bitch, sound of a bitch. On sort des œufs mais quelle merde. Ouais. Ah ouais carrément. Mais elle a pas essayé de sortir ou quelque chose comme ça? Je sais pas. Ils ont un abri nucléaire. Et ma mère elle a dit. Ils ont un abri nucléaire et quand il y a des œufs ils commencent à dire. Ah il y a des œufs. T'imagines, ils sont invités chez quelqu'un d'autre, ils disent tu veux des œufs? Ah éloigne ça! Oh putain! Oh mais quelle merde! Quelle merde! On risque de tomber sur un mythique là. Ouais, ça y est, il est là. Je vais rigoler. Il faut faire le. Non, mais on parle pas des œufs, hein. Non, il faut. On dit quoi? Mais il remet la page! On dit quoi? Mais attends, non, parce que moi j'appelle pas tout de suite là, parce que sinon je vais dire que je vais rigoler tout de suite. Mais attends, je mets le numéro déjà. Putain, c'est déconné. C'est des merdes. Quelle merde! La fille, elle était. Alors. T'as en plus peut-être qu'elle a, ils ont tous les fronts bandants comme ça. Ouais. Ils ont tous les fronts, on dirait des œufs, voilà. Ouais, là, voilà. Trouvé, celle-là. Ah putain, non, on dirait des boules de bowling. C'est horrible, tu vois les machins qu'ils ont, c'est impressionnant. Tu fais des cauchemars quand tu vas chez eux. Ah ouais. Leur gros putain, mon front il enfle. T'imagines leur front il enfle en plus. Il enfle. Bon, c'est bon, pourquoi tu as une tête à cul là comme ça? Mais non, parce que je prends ton portable. Ah. Je fais le vide. Mais je dis quoi? Mais j'en sais rien. Salut, t'es sur Freeze Radio, le. Dis t'es à Freeze Radio et tu gagnes 1500 euros. Et tu gagneras 1500 euros. Si tu dis le mot œuf. Le mot œuf Freeze Radio couille. Ah putain, non. Œuf Freeze Radio couille. Ouais. Si tu envoies par SMS œuf Freeze Radio. Œuf Freeze Radio couille. Au 6-13-13. 54 euros plus de prix d'un SMS. Donc, hein. 54 euros l'appel et le. Tout ça sera reversé à. Tout ça sera reversé à Haïti. Tout ça sera reversé à Action pour Freeze Radio. Et puis en fait il dit tout ça sera reversé à Haïti. Et l'autre il fait des clins d'œil, il fait eh ouais, eh ouais. Il fait. Eh ouais, bien sûr, les loups. Ah ouais. Bah, c'est pas pour nous. Ah ouais, le mec. Ça veut dire que c'était pour nous. Bon alors, on met quoi comme musique de fond? Non, on l'a déjà mis. Non, mais comme musique de fond quand on appelle. Ah. Empire State of Mind, partie 2. Ouais, partie 2. Ouais. Non, c'est bon, mais ça, c'est bon. Homecoming, on écoutera Homecoming après. Non, on écoutera Fall for Anything des Black Eyed Peas. Je l'ai dit, je l'ai promise. On écoutera la semaine prochaine. Des script. Allez, c'est parti. C'est quoi ça? C'est Rihanna. Ça va être fort, ça va être fort. Ça va être fort, mais ça va être fort au début. Après, je baisse. T'inquiète pas, j'assure. Okay. Logan, aide-moi. Moi, je parle pas parce qu'ils vont direct reconnaître ma voix. Ah ouais? Donc, c'est que je t'aide. Si ils reconnaissent ta voix, t'es dans la merde, non? Ah, complètement. Ils vont venir t'envoyer des œufs. Déjà, faudrait qu'ils aient le courage de venir jusqu'à chez moi, déjà. Allez. Quelle bande de merde. Mais play. Attends, non. C'est sûr que ça va répondre. C'est sûr? Ouais. Allô? Allô? Salut, vous êtes en direct sur Freeze Radio, ça va? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Ils ont raccroché. Est-ce qu'on m'entend au moins? Mais oui, on t'entend. Mais alors qu'est-ce qu'ils ont? Alors pourquoi ils ont fait ça? C'est des bâtards. C'est des merdes. Non, on va pas les rappeler. On va appeler des professionnels alors. Oh putain. C'est dommage. C'est trop dommage. Oui, Antoine des œufs. Jour œuf location. Xavier va couper la pastèque. Attends. Magasin. Je mets pas de ville particulière, non? Non, enlève ça. Je me spécialise dans la vente de œufs. T'es obligé de mettre une ville particulière. Ah ouais, précis, ouais. France. Paris déjà. Ah ouais. Alors, boucherie, charcuterie, fromagerie, élevage de volailles et de lapins. Ouais. Bonjour, est-ce que vous vendez des œufs, madame? Je vais faire bonjour. La ferme parisienne, sans déconner. Allez. Tiens, note mon numéro, Lucas. Ah, tu fais chier. C'est ta fonctionnalité première. J'ai pété. Ah! Putain, il s'est mis cul et tout pour péter, l'enfoiré. Ah, toi aussi, t'as pété. Ah, putain, ils ont pété tous les deux, ils se sont mis à poil et tout, cul nu, là. Ah, les bâtards. Ouais, bon, t'as réussi à rien de faire le mec parfait. Ouais, c'est ça, ouais, non. Là, tu pètes de temps. Ah, mon dieu. Tout puissant, ayez pitié de moi. On s'y est mis à deux, les gars, ne rentrez pas dans le studio. Vous devrez dire dans ma chambre. Bon, et bien. Le 9, là, je fais comment pour l'effacer? C'est le dernier neuf, et c'est... Ouais. Attends, je vais faire genre, il m'envoie des œufs à la fenêtre et j'habite. J'habite... j'habite 14 rue Mira, et on m'envoie des œufs à la fenêtre. D'accord, par exemple, bonjour. Oui, bonjour, voilà, alors j'ai un petit problème. Allô? Allô? Oui, je vous écoute, monsieur. Ouais, voilà, alors vous êtes bien 26 rue Mira. Allô? Allô? Oui, allô, je vous entends mal, monsieur, hein. Vous m'entendez? Vous m'entendez mieux comme ça? Ça va un peu mieux, oui, bonjour. Voilà, alors j'ai un problème, c'est que j'habite 14 rue Mira et on m'envoie des œufs. Pardon? Allô? Oui, je reçois des œufs. Qu'est-ce qui s'est passé que d'un coup on a entendu mieux? Je sais pas ce qui s'est passé. D'un coup, putain! Putain, c'est des deux de dire, mais toi, à chaque fois, tu fais la fin de ce que je veux dire, c'est chiant. Allez, vas-y, je sais quoi, j'ai envie que tu fasses parce que toi, tu en as fait aucun. Moi, j'ai envie de le faire, moi. Allez, vas-y, j'ai ta vie. Et prends une adresse et dis, j'habite juste à côté de vous, je reçois des œufs. Je reçois des œufs à longueur de journée. Et là, il va dire, non, c'est pas moi, monsieur. Mais ça, ouais. Je traîne ça en commissariat, moi, monsieur. Allez, vas-y, essaye. Alors, 0-1-40. Ah, t'as pris Momento. C'est Memento, hein, le film. Ouais, mais il y a marqué Momento. C'est ça, ouais, c'est pas vous, mon cul aussi. Ouais, c'est attends, ça, ouais. C'est qui, alors, hein? Non, je me concentre. Attends. Normalement, il devrait t'entendre mieux, déjà, d'entrée. Tu sais l'adresse, au moins. Oui, attends. Regarde. Moi derrière je fais, c'est inadmissible. Vas-y, attends. Oh non, répondu, ça m'est connu. Bande de bâtards. On va en trouver un autre, un neuf. On va en trouver un neuf. Quand tu peux avoir une ferme à Paris? Je sais pas. Demande-leur, ils sont livrés de région parisienne. Bon, allez, on a inadmissible, il n'y a pas de ferme à Paris, madame. Non. Allez, appelle à notre numéro. Ouais. J'appelle celui d'à côté. Ouais, voilà, celui d'à côté, même rue. Normalement, s'il y en a un qui est fermé, l'autre il est ouvert. Toujours ouais, ça dans non, les non, mais de magasin. Montre-moi. Voilà. Voilà. Donc, on va s'écouter Fall for Anything après, à la fin de l'émission, pour finir. Alors, remets-moi. On espère que cette émission vous aura plu, sera donné du mal. Et si vous pouvez l'écouter comme d'habitude. Elle sera divisée en partie de 20 minutes normalement. Afin que ceux qui ont le moins de patience puissent écouter normalement. Le numéro est composé. On se lance dans le tout. Merci à Raphaël, Amandine, ça, Romain qui nous ont lancé alors qu'on pensait qu'on était en. Oui, bonjour madame, j'habite au 20 rue des Rochers et je reçois des œufs à longueur de journée. Quoi, des œufs? Oui. C'est inadmissible! Attendez madame, on reçoit des œufs à notre fenêtre et vous vendez des œufs, alors on se pose des questions quand même, hein? Faut pas me rigoler madame, c'est pas drôle! Vous imaginez moi? Je dois nettoyer! Ça part pas! J'ai mis des doubles vitrages, madame! Je suis sûr que c'est vous, madame! C'est inadmissible, bordel! Mais dites quelque chose! Ils ont même. Je vais vous emmener au commissariat, madame! Ils sont même pas cuits en plus! Allez! Et sont de mauvaise qualité! Merci pour la blague! On a essayé de les manger maintenant! C'est sympa, merci, au revoir! C'est pas sympa! Ah bah ben voilà, c'est sympa! Bah, c'était de la merde! Voilà! Sur quelqu'un qui a voulu jouer le jeu, c'est nul! Putain, on voulait quelqu'un qui disait. Mais je crois qu'elle était morte de rire, là. Elle partait pisser là! Ouais, ouais, non, elle était morte, ah ouais, elle était morte, elle a dit merci pour la blague et tout! Ouais! Ouais, et ben. C'est super bien trouvé, attends! Voilà, il y a gibier! Tu sais ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû dire. Mais on a... et attends, mais on aurait dû dire, bah allez sur le blog de la radio et tout, on aurait dû. Oh non, non, non, non, non, non, non, ça va ou quoi? Faire une promo, oui, oui. Ta gueule, ça va ou quoi? Ça vous a plu? Et ben allez sur la radio! Non, non, allez, tape le numéro! Ah putain! Oh là là. Ça y est, non mais là je suis vide dans ma tête, remets-moi la page. Ouais, je te remets. Bande de merde, enlève ta vie. C'était pas moi, j'étais maison de Messine. T'es chaud derrière. Attends, si tu commences à rigoler, moi je fais attends, passe-moi ça. Et je me parle. Ok. Ok, si tu veux. Et moi je suis le troisième relayeur au cas où. Ça va être une longue partie de 25 minutes a priori. Donc restez avec nous, il reste encore 10 minutes et quelques. Accrochez-vous foie, vos boyaux. C'est quoi cette image? Oh, ça m'appelle. Et salut. Oula, j'ai peur. Non. Peut-être, hein. Peut-être qu'il n'y a plus de forfait. Hein. Sinon, tu dois attendre quand? 16. Sinon, on prend le 26 mien. Minutes, il reste. Il reste 26 minutes. Ça. Soit 26 minutes, 17 secondes, hein, il rappelle. Bah voilà. Ah putain, c'est dommage qu'elle ait rigolé quand même, c'est chiant. Ouais. Oh, merci pour la blague. J'aurais dû faire un humour parisien. Oh là là, là, ça fait chier. On était à fond, nous. Et elle a rigolé d'entrée, elle a rigolé. Oh, ouais, direct. On m'envoie des œufs à ma. Oh putain. Ça y est, ça appelle. C'est quoi ce type? Voilà, on l'a notre mythique, c'est le Dom. Je l'ai pris en photo une fois et depuis ça se met partout. Je sais pas pourquoi. C'est toi qui y parles. Ouais, ouais. Moi je suis derrière. Oui, bonjour madame. Allô. Oui, bonjour. Allô. Oui, madame. Allô. Oui, madame. Allô? Oui. Oui, bonjour. C'est pour vous dire que j'habite juste à côté, à Clermont-Ferrand, juste à côté de chez vous. Et je reçois régulièrement des œufs sur ma fenêtre et je trouve ça complètement inadmissible, madame. Mais oui, c'est inadmissible! Non, attendez là, vous habitez à côté du marché, vous recevez quoi? On nous envoie des œufs. Je comprends rien. On nous envoie des œufs à notre fenêtre, madame. Pardon? On nous envoie des œufs à notre fenêtre. Je comprends rien. Nous, on nous envoie des œufs. Articulez un peu mieux là parce que. On nous envoie des œufs à notre fenêtre. Oui, à nos fenêtres, c'est inadmissible. On en a marre, madame. On en a marre. Vous savez pas, vous habitez à côté. C'est quelque chose qui vous va pas. Vous devez me voir là-dedans, hein. Eh bien, on vous téléphone, madame. On vous téléphone, je vous envoie, je vous téléphone. On se revoit plus tard. Et merde, elle a raccroché. Salope. Putain, mais c'est non, elle avait pas raccroché. C'est le justice. Oh, elle avait pas raccroché. Oh putain, elle va regarder des journaux d'appel et tout. Elle avait pas raccroché. C'est un marché en fait. Ouais. C'est un marché. C'est un marché. Ah. Mais on a trouvé, la vanne qui fait que les gens ils sont à fond dedans. Ouais. Clermont-Ferrand, j'ai tapé quand même. J'ai la foi. Hein. Lyon, allez. Oh putain. On trouvait un endroit où il y a personne, genre Rouen ou Dieppe. Bah Clermont-Ferrand, je suis désolé. Qui habite à Clermont-Ferrand? Clermont-Ferrand, envoyez-nous des, laissez-nous des commentaires. Ah ouais, putain, laissez-nous des commentaires. Allez, c'est parti, on s'en lance un autre direct, on se replonge dans le truc avant la fin de l'émission. Non. Pas maintenant. Pourquoi? Parce que Logan est parti téléphoner. Mais ça va! Mais c'est pas tout seul! Je suis tout seul, alors voilà ce qui va se passer. Je vais vous expliquer un peu comment marche Freeze Radio. Il nous reste que 17 minutes, alors peut-être que ça fera 2h30, non? Ouais, on sait pas. Voilà. Elle vient de chercher? Elle peut me ramener ou pas? Je vais chez Mick Jagger. Ah ben non, alors. Non, il va chez Mick Jagger, oui, il connaît Mick Jagger. C'est un grand ami à lui. T'as vu, on était bien dans le truc, hein. On a bien joué putain, le truc. Ah putain, c'est magnifique. Ah, t'étais pas là, Logan? Mais je vous ai entendu. Ah, ah t'as vu? Elle est pas là, la salope. Bon, alors. Allez, c'est parti. Ouais. On va peut-être un peu changer, non? Non, on reste dans le même registre un peu. Ouais, c'est un truc qui marche. Je balance des œufs. On change pas une équipe. Moi, c'est là, j'ai trouvé comment. Ah ouais, là, on assure. Hein. Ouais, là, ça vient pas nous. Sinon, j'ai trouvé mais en fait, c'est parce qu'on on articule pas assez. On est là, on fait. Y a pas un moyen pour que tu nous entendes bien. Je sais pas. Dès que je fais ça, tu te rapproches, tu te fais tout. Bah, écrivez bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui. Allô? Allô monsieur? Ma foi. Au début, j'entendais que attendez. On fait un test. Vas-y. Ouais. Ah ouais, là, c'est le poste flingue, Robert! Et là, tu me tires et on court. Ouais. Non, parce que. Poste flingue, Marc! J'en ai marre de ces œufs! Oh, mais attends, mais passe-moi le flingue, Marc. Ces œufs m'ont flingué. Oh. Ça sûr, hein. Non, lève-toi, pas des débuts. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, j'habite à côté de la place de la Croix-Rousse. Oui. Et c'était pour savoir parce que en fait, on reçoit régulièrement des œufs à nos fenêtres. Et on en a marre, monsieur. Ouais, c'est inadmissible. Bon, voilà, ça c'est mon fils. J'ai pas compris, monsieur. Vous pouvez écouter ? Oui, on reçoit régulièrement des œufs à nos fenêtres. On en a marre, monsieur. On pense que ça. Oui, c'est. On pense que ça vient de vous, voilà. Voilà, parce que comme vous vendez des œufs, vous êtes pas très loin. On ne sait pas. On se disait que peut-être c'était vous, voilà. Donc merci. Je n'ai pas compris, quoi. Pardon ? Ah, mais c'est très sérieux, monsieur, hein ? Monsieur, ça m'a flingué, ça, monsieur. Monsieur! Oh le bâtard! Putain, personne ne peut nous croire! C'est trop chiant! Et vas-y, Xavier, quand tu vas aller porter plainte, t'es pas vite! Bah non, mais allez, cassez-vous, c'est pas vrai! Je pense pour ça qu'ils n'ont jamais allé porter plainte! Allez, Marseille, on reste dans. Allez, à Marseille! Ah, il y en a un en plus à côté de chez moi! Ah ouais? Ouais. Ah, il y en a qu'un seul! Ouais, ah. Si ça sera en plus à côté de chez moi! Non, Félix Piat, c'est pas à côté de chez moi. Allez, vas-y. C'est moi qui parle ou c'est toi? C'est moi, toi. Je suis un acteur, ouais. Moi. Vas-y, toi, et après, moi, acteur. Et toi, au fond, tu dis, c'est inadmissible. Mais non, fais pas le flingue, ça gâche tout, ça. On n'y croit plus. Ouais, pour l'instant. Toi, tu fais n'importe quoi. Tu dis, ça. N'importe quoi, sur les mains, monsieur. Allô. Oui, bonjour, monsieur le Mérabé. Allô. Oui, bonjour, monsieur. Allô. Allô, monsieur. Oui. Oui, voilà, vous êtes bien rue Félix Piat. Oui. Voilà, alors j'habite au 63. Et on reçoit des yeux. régulièrement, monsieur. On n'en peut plus, monsieur. Hein? Nous recevons des œufs à nos fenêtres, monsieur. 63 rue Félix Piat, ça vous dit rien? 63 Félix Piat? Oui, on nous envoie des... On nous envoie des œufs régulièrement, monsieur. Nous en avons marre, on va aller porter ça au commissariat, monsieur. N'importe quoi, n'importe quoi. Attendez, vous nous envoyez des œufs à nos fenêtres, on le sait, hein? Quoi? Vous nous envoyez des œufs à nos fenêtres, monsieur. Allez-vous venir ici, j'entends rien. Comment? Mais qu'est-ce vous... Qu'est-ce que vous dites? Vous... Salam alaikum. Hein? Quel bâtard! Quel bâtard, le bâtard! Quel bâtard! Quel bâtard! Oh putain, t'es un bâtard! Bon, allez, on s'en fait un dernier, puis après on refait l'émission. Parce que ça se fait pas! Ça se fait pas! Non, j'aurais dû continuer, j'aurais dû faire. Salam alaikum! Le dernier, rôtisserie, M6 rôtisserie. M6 rôtisserie. Ah non, mais ça c'est. Ah, c'est à 3, c'est à côté de Dijon ça. Ouais, bah alors. Non, on va faire Dijon s'il te plaît. Tu en connais à Dijon? Non, non. J'en connais pas, mais peut-être que c'est à côté de d'endroits que je connais. Oh, rue d'Oxon. Putain, c'est la rue de ma mamie. Oh, ta gueule. Allez. Bon, là, y est rue Quentin, je connais pas. Audebert. Ça c'est. Allez, rue Audebert. C'est toi qui lance parce que moi je rigole trop, c'est impressionnant. Rue Audebert. Tu assures là, hein, le Cusco. Ouais, ouais. Dernier appel. Allez, j'ai trouvé comment vider. Et après, dernière émission. Non, Quentin. Volailler des Halles. 03. Volailler des Halles. 03. 03. 0380. 03. Tout le numéro de Dijon commence par 0380. Bonjour monsieur, j'habite à côté de votre emplacement. Voilà, dès le début, affiche un air énervé. Ouais. Putain, mais comment ça fait qu'ils nous entendent pas, c'est chiant. Non, il va répondre. C'est un Dijonais. Il va avoir l'accent Dijonais. Eh, hey, mais monsieur, je m'en peux plus, là. T'imagines la Corse? Je prends l'accent Dijonais, monsieur, si tu veux. Sylvester Stallone au téléphone. J'ai l'impression d'avoir Sylvester Stallone au téléphone. De fumeur. 03 80. C'est toi de la mairie. Ah ouais. Corse, on aurait dû. Bon, allez, dernier appel. Trop tard, dernier appel. Ça fait déjà 25 minutes. Ah ok. Non, c'est celui-là. Celui-là? Oh non, putain, qu'est-ce qui se passe à Dijon? Putain, à Dijon, ils font grève. Oh, c'est le même! Non, bah alors on essaie en Corse et puis après on, ouais, se, vas-y. On se casse. Bastia, je crois ça aussi. Non, je connais pas le magasin de Bastia. Volaille, gibier. Une réponse dans toute la Corse. Élevage de volaille et de lapin, non? Non. Les volailles, les seigneurs. Putain, ça que dit. Allez, vas-y. Lance-toi, mon ami. Après, j'essaie. Non. Ben non, on se cassos. Cassos! Après, on met une musique et on s'en va. On rentre chez nous. 04, en Corse. What? Bizarre. Ben ouais, parce que les Corses, normalement, ils sont pas français. C'est eux qui disent ça, alors après. Ouais. Ils sont bien français quand ça les arrange. Ouais, c'est vrai. Allez, les mecs. Sur mon débit, non? Il a tracé. Wesh, wesh. Salut les le. Putain, comme il a tracé. Il me sort le fusil là, moi je te le dis. Ah ouais, bon, ouais. Oui, allô madame, j'habite à côté. J'habite sur la route de Suard, comme vous. Oui, j'habite sur la route de Suard, comme vous, et j'en ai marre, madame. Je reçois régulièrement des œufs sur mes fenêtres. Ça commence sérieusement à m'énerver, madame, je vous le dis. Ludovic Damance. Allez, fin d'émission. Une petite musique, on se casse. Allez, on va leur mettre quoi? Bonne fin d'émission. Ce script folle pour magnifique. Ouais. On se retrouve dans peut-être mercredi. On en enregistrera une autre. Ouais, mais ça dépend si celle-là marche bien. Ça dépend si elle marche bien, Ali. Ça dépend si elle marche ou pas. Fall for anything. On espère que vous avez passé un bon moment en notre présence. Méfiez-vous des œufs à vos fenêtres, ça fait peur. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao les loups, Fall for anything, the script. Au revoir les gâchons. Allez, ciao ciao de la part de Cusco. Au revoir les gâchons. Merci à Raph, Amandine, Nicolas qui nous ont soutenus dès le tout début. Et Romain aussi. Romain, voilà. Non, pas Nicolas, pourquoi j'ai dit Nicolas. Romain, non, c'est voilà. Romain. Romain voilà. Et Amandine. Ouais. Et Raphaël. Et Raphaël. Ouais. Merci. Allez, ciao les loups. Ciao.